je pense que le titre du séminaire, c'était les inégalités ethno-raciales, comme le titre du petit repère. Je l'ai intitulé plus exactement ici. Ok, d'accord. La dimension ethno-raciale de la stratification sociale, parce que comme vous allez le voir, je vais parler plus précisément. Enfin, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce qu'il y a dans le repère, même s'il est petit comme ça, mais il est assez intense, je dirais. Donc, je vais vous parler plutôt de la partie conceptuelle et vraiment l'approche stratificationniste que j'ai essayé d'adopter dans le repère. Donc d'abord, j'ai, en guise d'introduction, je voulais vous expliquer un peu comment je suis venue à travailler sur ces questions, donc sachant que je suis partie, comme Olivier vient de le rappeler, plutôt sur des questions d'immigration. En fait, moi j'ai fait une thèse à l'origine sur la question de l'intégration des immigrés en France, et au fur et à mesure que j'ai travaillé sur ces questions, il me semblait que en France, il y avait, de manière assez consensuelle, un paradigme qui dominait dans la littérature sur ces questions, que j'appelle ici le paradigme de la migration-intégration. C'est-à-dire, on a plutôt une perspective de ces questions en termes de socialisation. Pour être la question de l'intégration des immigrés se pose pour les sociologues en tant que expérience intéressante, particulière du processus de socialisation, notamment parce que les migrants n'ont pas été socialisés dans les sociétés d'accueil et que de ce point de vue-là, quand ils arrivent sur un territoire, ils posent des questions spécifiques de socialisation. Et il me semble que la littérature sur ces questions s'est beaucoup focalisée sur cette perspective, sachant qu'on peut encore aller plus loin et dire qu'elle s'est focalisée sur une conception particulière de cette perspective. Mais sans rentrer dans les détails, il me semble qu'il y a une autre perspective qui a commencé à émerger dans les années 2000 sans jamais être nommée comme telle, que j'ai appelée la perspective stratificationniste, ou pour être plus générale, et je vais être peut-être plus précise dans les diapos qui viennent, la perspective catégorielle, qui s'intéresse plutôt à la construction, la transformation et la déconstruction des frontières ethno-raciales dans la société. Je vais définir dans quelques minutes ce que c'est. Et qui, de ce point de vue-là, regarde l'immigration comme un des processus qui participe, on va dire, à cette dynamique de construction et déconstruction des frontières ethno-raciales. Alors, je dis que c'est une perspective qui a commencé à émerger dans les années 2000, notamment parce que il y a eu une transformation du contexte français avec plus de données qui permettaient d'aller au-delà de la première génération, notamment dans les grandes enquêtes de statistiques publiques, et de plus en plus d'études empiriques, notamment quantitatives, notamment menées au sein de l'INSEE, donc dans des publications pas forcément extrêmement académiques, qui pointaient, enfin, qui mettaient en évidence des écarts. Notamment des écarts socio-économiques, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éducation et le marché du travail. Et ces travaux, il me semblait, ont proliféré dans un contexte où il n'y avait pas un cadrage d'ensemble, un cadrage conceptuel d'ensemble de ce champ de la littérature. Donc on avait un peu des études éparses et pas assez bien unifiées dans un cadre analytique. Donc, c'est pour ça que j'ai finalement écrit cet ouvrage, en fait, après plusieurs années d'enseignement sur ces questions, en passant un peu d'une perspective d'immigration-intégration à une perspective plutôt d'inégalité ethno-raciale. Dans l'ouvrage, donc, j'ai essayé de faire un état des savoirs, autant que j'ai pu, hein, donc, de ces questions, en commençant par définir et discuter rapidement les concepts de manière assez, je dirais, pragmatique, c'est-à-dire dans la mesure où cela pouvait m'être utile par la suite. Donc, je n'ai pas eu la prétention de couvrir l'ensemble des disciplines qui ont réfléchi à ces concepts, qui est vraiment un champ extrêmement large. Et ensuite, j'ai consacré plusieurs chapitres à la présentation des outils, matériaux empiriques et méthodes de recherche sur la question de la mesure des inégalités ethno-raciales. Et j'ai procédé par bilan thématique dans quelques sphères, donc de la vie sociale, notamment le marché du travail, la ville, avec la question de la ségrégation, l'école, et un chapitre plutôt qui s'intéresse à la dimension civique, avec des questions de santé, d'accès aux droits, etc. Donc, dans cette présentation, j'ai plutôt choisi de vous parler parce que bon, je pense que j'ai une petite heure, c'est ça, oui. Ou une bonne heure. Heure. Donc je vais d'abord commencer par faire un cadrage conceptuel et j'ai essayé de vous présenter comment j'ai réfléchi au mécanisme des inégalités ethno-raciales. Enfin, là aussi, je n'ai pas inventé vraiment une nouvelle conception. J'essaie de rassembler une certaine littérature et de la lire de manière problématisée dans cette perspective. Et puis, je voudrais faire quelques réflexions sur l'apport des analyses, sur les apports des analyses empiriques en général, hein, avec un exemple précis. Plus actualisé sur des travaux que je mène en ce moment. Puis, si j'ai un peu le temps, je finirai par quelques réflexions sur le contexte français, la question de la comparaison avec les États-Unis, etc. Donc, pour démarrer par le concept, par les concepts, c'est un peu l'exercice, je ne sais pas si c'est le plus délicat, mais en tout cas, c'est un exercice délicat, parce que, comme j'ai commencé par le dire, c'est un champ extrêmement large, extrêmement transdisciplinaire, donc qu'on peut rassembler sous l'expression Ethnic and Racial Studies aux États-Unis, en fait, où c'est en fait plutôt des études en anthropologie, en philosophie politique, en sociologie, en sciences politiques, etc. Donc il y a vraiment énormément d'influences disciplinaires qui touchent ces études-là. Et puis aussi, c'est délicat parce qu'on est assez mal à l'aise face à aux termes que j'ai utilisés, notamment la notion de race et d'ethnicité. Donc, ce sont des mots qui dérangent. Alors, bon, il y a plusieurs attitudes différentes des universitaires concernant le choix des terminologies, enfin, surtout la manière dont on les présente. Je vais en parler tout à l'heure avec les conséquences du constructivisme sur les études empiriques, mais juste pour commencer de manière assez opérationnelle, on peut d'abord dire que race et ethnicité sont des concepts qui désignent des principes de classification, de catégorisation des groupes humains. Donc, je commence d'abord par vous montrer un petit peu quelques points de base pour démarrer sur ces deux concepts. Après, je vais discuter un peu leurs différences et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi, enfin essayer de justifier pourquoi j'ai choisi ethno-racial plutôt que race ou ethnicité. Et donc d'abord, pour commencer à réfléchir sur ces questions, il faut partir de fondements à peu près partagés par les académiques, en tout cas en sciences sociales. C'est d'abord la perspective qu'on appelle constructiviste, même s'il y a énormément de versions différentes du constructivisme, vous pouvez me dire. On peut au moins présenter les points d'accord fondamentaux, en mettant deux. Le constructivisme comme anti-essentialisme, et je voudrais quand même au moins qu'on parte sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'on parle de race et ethnicité, tous les praticiens des sciences sociales, tous, il y a peut-être une ou deux voix dissonantes, se démarquent extrêmement de toute conception naturaliste de ces concepts. Donc on parle là-dessus. Et puis constructivisme comme historicité, c'est un peu peut-être moins explicitement partagé par tout le monde, mais je pense qu'un des apports de la perspective constructiviste sur les questions d'ethnicité et de race, c'est de doter un peu les sciences sociales d'un certain pouvoir ou d'un certain rôle de retracer en fait les trajectoires et l'histoire de ces concepts et de la contextualiser. Hein. Donc en fait, c'est une certaine vision des dynamiques raciales et ethniques comme des dynamiques de processus hein, et non pas comme des notions figées. Et notamment, les sciences sociales ont comme rôle de rendre compte de ces processus, de les dévoiler dans une certaine mesure. Alors, maintenant, race et ethnicité. Alors, dans le champ académique français, le brouillage est extrêmement complexe parce que, de toute façon, en général, race est très, très peu utilisée. Ethnicité a connu une certaine émergence ces dernières années et encore, c'est jamais vraiment assumé dans les travaux. On parle parfois de groupes ethniques pour désigner que certains groupes issus de l'immigration. Il y a récemment, mais vraiment, par exemple, dans l'ouvrage des frères Fassin qui s'appelle « De la question sociale à la question raciale », une certaine revendication plutôt du terme race d'ailleurs plutôt l'adjectif racial que race. Mais en général, on n'a pas vraiment confronté les deux notions encore dans la littérature qui existe en France. J'ai essayé de montrer dans l'ouvrage qu'il y a une littérature qui essaie un peu de réfléchir à la distinction entre les deux concepts. Et en fait, cette littérature, par exemple, aux États-Unis, n'est pas une littérature consensuelle. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui préfèrent un concept à l'autre en essayant d'argumenter. Et j'ai un petit peu essayé de retracer ces controverses, on va dire. Mais là aussi, pour partir sur des bases à peu près partagées, on peut d'abord dire qu'il y a une forme de convention. Alors, je dis convention au sens, c'est pas forcément un accord, mais au sens, donc, une vision répandue, voilà, que la race est plutôt liée à des caractéristiques phénotypiques et l'ethnicité à, je dis, origine, parce que, en fait, à l'origine, c'est bien l'origine, et je vais vous montrer dans la définition de Weber que c'est plutôt l'origine qui est rattachée à l'ethnicité, mais de plus en plus dans les dictionnaires, par exemple, ou les encyclopédies, on trouve plutôt une définition d'ethnicité qui la renvoie à la notion de culture partagée. Alors, je discute un petit peu cela en disant que c'est pas tout à fait satisfaisant parce que culture est déjà une notion un peu difficile à définir et que la culture peut être en tant que, par exemple, ensemble de styles de vie, langue, religion, etc., peut être considérée comme un des marqueurs de l'ethnicité et non pas vraiment comme directement la définition même de ce que c'est que l'ethnicité. Donc, cette convention, on peut directement la rattacher aux sciences sociales américaines d'abord, c'est-à-dire quand on lit les travaux américains dans les grands journaux américains. De fait, on entend ça, que race, c'est plutôt phénotype, voire même couleur de peau et ethnicité, origine. Mais là aussi, les sciences sociales, non pas seulement comme un champ analytique scientifique, en plus, en fait, les sciences sociales ayant travaillé surtout sur les recensements américains, qui est quand même la grande base de données, et qui, depuis le début, distingue entre race et ethnicité. Et bah, d'ailleurs, les chercheurs montrent bien que cette distinction du recensement n'est pas toujours valide du point de vue scientifique, mais au final... Dans le recensement américain, la race, c'est auto-affiliation. C'est auto-déclaré, oui. Donc, en gros, aujourd'hui, dans le recensement, il y a une question sur la race, une question sur l'ethnicité, qui est en fait une question sur l'hispanicité, puisque être hispanique est considéré comme une ethnicité, et les hispaniques peuvent être noirs ou blancs. Enfin, donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont montré les failles de cette catégorisation américaine. Mais de fait, elle s'impose à nous, on peut résister, discuter, etc. Mais de fait, c'est quelque chose qui est assez partagé. Alors, quand on veut, par contre, aller un peu plus loin que cette convention qui existe aujourd'hui dans les sciences sociales, on n'a pas beaucoup de background, on va dire, parce que finalement, les textes classiques, notamment européens, en sociologie, n'ont pas beaucoup, beaucoup réfléchi à ces questions. Voilà, on peut pas, je vais pas rentrer ici dans les raisons structurelles qui font que Durkheim n'a pas écrit sur la race et l'ethnicité, ou très peu écrit sur la race et l'ethnicité. En fait, on ne trouve que vraiment dans les textes de Weber des définitions de ces concepts. Alors, Weber, c'est vraiment allé assez loin. Et donc, les auteurs qui se rattachent à cette tradition weberienne, en fait, opposent ethnicité et race, dans le sens où ethnicité renvoie à une identité, à une croyance en une origine commune. Je vais juste vous montrer tout de suite la définition de Weber. Et la race à une assignation à un groupe. Donc, pour être plus précise, Weber appelle le groupe ethnique, en fait, ces groupes humains qui nourrissent une croyance subjective en une communauté d'origine fondée sur une similitude de l'habitus extérieur ou des mœurs, et ce que Weber dit très clairement à la fin, peu importe qu'une communauté de sang existe ou non objectivement. Ce qui est intéressant dans la définition de Weber, c'est qu'il liste en fait ces similitudes, donc il y a bien tout de suite directement dans la définition une forme de liste des substrats de l'ethnicité qui peuvent d'ailleurs se rattacher à la race telle qu'on la conçoit dans le recensement, puisqu'il parle de l'habitus extérieur, c'est-à-dire l'apparence, ou des mœurs, ou des deux, et il souligne, par exemple, le rôle de la colonisation, la migration, comme événements historiques qui produisent de l'ethnicité, dans le sens où ils peuvent produire cette croyance subjective en une origine commune. Quant à la race, donc, au groupe racial défini par Weber, là, il le distingue de l'ethnicité par le fait qu'il s'agit de la possession de dispositions semblables, héritées, est réellement fondée sur la communauté d'origine. Donc, c'est comme ça qu'il le définit dans Économie-Société. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que d'emblée, Weber souligne que cette appartenance raciale produit une forme de sociabilité négative parce qu'elle s'exprime par la ségrégation et le mépris. Alors que l'ethnicité, dans d'autres passages, peut être parfois présentée comme quelque chose de positif, comme une espèce de ressource socio-économique. Donc, en partant de ces définitions, en fait, on peut trouver aujourd'hui dans la littérature, comme je vous le disais, plusieurs positions. Alors, je vais vraiment rapidement, là aussi, c'est assez schématique, mais si vous voulez, on peut revenir là-dessus dans la discussion. On a plusieurs auteurs aujourd'hui qui plaident plutôt pour le choix du terme ethnique ou de l'ethnicité comme un concept parapluie. Alors, par exemple, si vous lisez Wimmer, qui a écrit des textes très influents aux États-Unis, qui en fait maintenant, je peux quitter à l'époque où il a écrit ses textes, en tout cas à l'université de UCLA, il a plutôt plaidé pour ethnicité parce que en retraçant un peu l'héritage weberien et en montrant que dans la définition de Weber même, il y avait l'ethnicité incluait notamment la perspective raciale telle qu'elle est entendue aujourd'hui dans la convention, encore une fois, c'est-à-dire rattachée à une forme de marqueur biologique ou phénotypique. Et donc, d'après Wimmer, il est facile de dire que les distinctions raciales sont une forme particulière de marqueur ethnique. Alors, l'argument de Wimmer est beaucoup plus compliqué, parce que, bon, il y a beaucoup il détaille très bien dans son article, par exemple, pourquoi il est préférable pour les sociologues d'utiliser le terme ethnique. Mais globalement, je résume aussi, un des arguments le plus fort, qu'on retrouve d'ailleurs parfois dans les écrits de Vacan, qui lui a adopté une autre option, parce que lui, il ne parle pas vraiment d'ethnicité. Parfois, il parle d'ethno-racial, mais il utilise le terme racial en mettant des guillemets, en disant les guillemets ne sont pas là pour dire que la race n'existe pas biologiquement, parce que bon, en fait, tout le monde est d'accord là-dessus. Les guillemets sont là pour dire la race est elle-même une construction sociale. Donc, à chaque fois que j'en parle, elle est en train de changer. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets. Bref, cette parenthèse étant fermée, Wimmer et Vacan s'accordent sur le fait que, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'hégémonie des sciences sociales américaines dans ce champ, notamment. Et on peut aller même jusqu'à accuser les Américains d'un certain impérialisme dans les études sur l'ethnicité et la race. Et que si on adopte, d'ailleurs, Wimmer travaille dans un centre de sociologie européenne, hein, donc si on adoptait plutôt le terme ethnique en disant, voilà, on le définit comme étant rattaché à des marqueurs divers, dont, par exemple, des marqueurs phénotypiques, bon, il y a beaucoup d'exemples historiques qui sont mobilisés par Wimmer, ben, en fait, on se libère, en quelque sorte, de ce poids de l'impérialisme américain en matière d'études sur l'ethnicité. Alors, d'autres auteurs, notamment américains, vont plutôt plaider pour le terme racial, parce qu'en fait, eux, ils ont plutôt mal vécu, on va dire, la montée de la littérature sur l'ethnicité aux États-Unis après les civil rights. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, les ouvrages de Nathan Glaser, par ailleurs assez proche des groupuscules conservateurs aux États-Unis. Par exemple, si vous lisez Homi and Winant, qui c'est un ouvrage qui est très cité, qui s'appelle Racial Formation, Homi and Winant nous disent qu'en fait, le concept d'ethnicité, quand on regarde par exemple l'école de Chicago, on trouve très très peu le terme ethnicité. Jusqu'aux années 60, on trouve très très peu le terme ethnicité. Et ensuite, on va plutôt dans l'ouvrage de 1963 de Glaser et Monihan, ça s'appelle Beyond the Melting Pot. En fait, Glaser et Monihan mettent en avant comment les groupes ethniques aux États-Unis cherchent à maintenir leur culture au-delà des générations, au fil des générations, et instrumentalisent cette culture, etc. Donc, il y a une forme de basculement théorique, on va dire, en insistant sur les questions d'identité, d'instrumentalisation de l'identité, de choix d'identité. Et donc, ethnicité, ça serait une manière de dire les gens sont libres de choisir leur ethnicité, alors qu'avant, la race s'imposait comme facteur structurant des inégalités aux États-Unis. Et donc, Omi et Nunan disent en fait que finalement, quand on s'intéresse plutôt à la perspective stratificationniste, comme j'essaie de le faire, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas forcément aux questions d'identité, c'est-à-dire pourquoi les gens mobilisent tel ou tel aspect de leur identité qui peuvent être extrêmement divers et multiples, mais plutôt à la manière dont les structures sociales reproduisent des formes d'inégalité qui se fondent sur une forme de classification des groupes dans la société, mais en fait, il faut plutôt parler de race que d'ethnicité. Alors, pour voir ça de manière peut-être plus concrète, et comme j'ai commencé par dire que les deux termes renvoient plutôt à des perspectives constructivistes et historiques, en fait, le mieux, c'est de les présenter en termes de processus. C'est-à-dire, quand on parle de la racialisation de l'ethnique, on arrive un peu mieux à distinguer ce qui est ethnique et racial. Par exemple, je vous donne un exemple. Les travaux aux États-Unis sur les West Indians, c'est en fait les immigrés venus des Caraïbes, en fait, aux États-Unis, qui, en fait, venaient de sociétés où les définitions raciales étaient extrêmement différentes de la color line aux États-Unis, noir et blanc. Et par exemple, les travaux de Mary Waters montrent bien comment les premières générations luttaient contre la classification raciale américaine et voulaient au contraire éloigner leurs enfants, notamment, de tout contact avec les groupes afro-américains, parce qu'ils ont très vite compris que ça voulait dire un déclassement, une forme de déclassement social et racial. Et donc, ces études montrent comment, en fait, cette stratégie a été vaine, c'est-à-dire qu'au bout de deux générations, enfin, dès la deuxième génération, on voit très clairement une auto-identification extrêmement forte au groupe afro-américain, des descendants de ces migrants, et que ces stratégies sont spécifiquement vaines parce qu'en fait, la société assigne, donc racialise ces groupes, racialise au sens, transforme des différences d'origine, ici, vraiment migratoire, nationale, presque, en quelque chose qui est naturalisé comme étant des différences raciales aux États-Unis. Donc il y a une forme de racialisation de ces minorités qui deviennent de manière... qui sont assignées et qui ensuite s'auto-identifient au groupe noir. Pour donner un exemple du processus inverse qui est l'ethnicisation, l'exemple le plus cité dans la littérature, c'est l'exemple des Afro-Américains eux-mêmes, qui est un exemple assez formidable en fait d'ethnicisation d'une certaine mesure. Parce que quand vous pensez aux Afro-Américains comme étant les esclaves qu'on a fait venir de partout, enfin d'Afrique, mais aussi d'autres, d'Amérique latine, etc. En fait, ces personnes venaient de sociétés extrêmement diverses, de groupes ethniques extrêmement divers, qui parlaient des langues très diverses, etc. Donc il n'y avait rien en soi qui pouvait faire en sorte que ces groupes constituaient un groupe ethnique au sens croyance subjective en une origine commune. Et on peut tracer l'histoire moderne des États-Unis comme une forme d'ethnicisation du groupe, c'est-à-dire une certaine acquisition d'un sentiment de groupe ethnique, d'ailleurs qui s'est surtout cristallisée et traduite par une forme de lutte sociale, avec les civil rights, et une revendication de cette appartenance, voire même une glorification de cette appartenance avec Black is Beautiful, etc. Pour aller un peu plus loin là-dessus, on peut même avancer que la race et l'ethnicité sont tellement des concepts qui s'imbriquent que c'est très difficile, c'est-à-dire que typiquement, souvent, les groupes qui sont racialisés finissent par devenir des groupes ethniques, parce que c'est une forme de, en fait, comme je le disais, de résistance à la racialisation. Et on pourrait dire que le degré de découplage entre race et ethnicité est en soi un indicateur de position dans la classification ethno-raciale. Par exemple, je vais revenir peut-être là-dessus à la fin si j'ai le temps, toutes les études sur le groupe des Blancs aux États-Unis, au début de ces études-là, dans les années 70-80, notamment avec les travaux par exemple de Richard Alba, nous disaient, mais en fait, finalement... La race, l'appartenance au groupe blanc, importe peu pour les immigrés venus d'Europe. Ça joue un rôle très faible dans leur vie quotidienne, etc. Parfois, ils les mettent en avant dans certaines circonstances. Et donc, avec cette idée que finalement, les positions, quand on a une position dominante dans la stratification ethno-raciale, finalement, on peut mettre en avant son appartenance seulement quand on veut, alors qu'on peut aussi se démarquer de cette appartenance plus facilement parce qu'on a moins ce processus d'assignation par les autres. Alors, bon, donc, après cette présentation un peu rapide du débat dans la littérature sur ces questions, moi, j'ai choisi ethno-raciale pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, je m'intéresse plutôt à la perspective d'inégalité, de savoir pourquoi ces concepts nous aident à réfléchir à des formes particulières d'inégalité sociale. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est typiquement la distribution de ressources économiques, politiques, etc., au travers de ces groupes. Donc finalement, peu m'importe la notion, enfin peu m'importe, je vais quand même revenir parfois sur cette question de l'identité, parfois ça peut être une des mesures, par exemple notamment dans ce qui est retracé la construction de la catégorisation elle-même, mais on peut argumenter que quand on s'intéresse plutôt à la question des inégalités, l'ethnicité et la race, toutes les deux, peuvent être facteurs d'inégalités. D'ailleurs, Weber même, il a défini l'ethnicité comme étant une croyance subjective en une origine commune, mais après, il a parlé du monopole ethnique, de la question du prestige ethnique, etc. Donc, il a tout de suite vu quand même des conséquences en termes d'inégalité de ces concepts, de ce concept d'ethnicité. Alors, le concept de race, lui, est encore plus fondamentalement lié à la notion de domination et d'inégalité. Alors, si on choisit l'ethnique, alors, certains auteurs, par exemple, en France, veulent plutôt parler d'ethnicité ou parlent plutôt de groupe ethnique en disant qu'on n'a pas, nous, des relations raciales qui seraient comme celles qui existent aux États-Unis. À mon sens, étant donné cette littérature que je viens de vous présenter rapidement, il me semblait que parler seulement d'ethnicité éclipsait en fait les connotations d'inégalité, de domination qui sont en fait justement l'objet de l'étude. Et si on choisit uniquement le racial, comme l'ont fait certains auteurs récents en France, alors là aussi avec un certain malaise, puisqu'on essaie de contourner le problème et de présenter plutôt, utiliser plutôt l'adjectif, ou parfois parler plutôt de racisme seulement, alors sachant que bon, le racisme n'est pas toujours extrêmement utile pour expliquer les mécanismes d'inégalité ethno-raciale. Donc, il me semble que le racial, si on parle uniquement de racial, étant donné en fait le sens populaire de ces termes qui s'imposent à nous, les sociologues et tous les scientifiques en fait dans le champ des sciences sociales en général, il me semble qu'il renvoyait trop rapidement la couleur de la peau. Et c'est une question pertinente que de se demander si la couleur de la peau, alors en attendant d'avoir des données là-dessus, pour l'instant on n'a rien, si la couleur de la peau est vraiment quelque chose d'aussi marquant, saillant dans les relations sociales en France. Alors, certains avancent que c'est le cas. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je dis juste que je m'interroge sur le degré auquel on peut vraiment renvoyer directement au racial en tant vraiment directement avec un parallèle sur la question de la couleur de la peau. Donc, c'est pour ça que bon, on peut avancer, par exemple, Patrick Simon le dit dans certains textes, aux États-Unis, les relations ethno-raciales, on peut les rattacher à l'histoire de l'esclavage et à l'immigration, surtout. En France, on a en plus une couleur post-coloniale de l'immigration qui complique un petit peu les choses, mais qui finalement pourrait aussi nous amener à choisir une distinction pas trop éloignée des Américains en termes d'esclavage, c'est-à-dire couleur de peau, et immigration, ça veut dire ethnicité. Donc finalement, j'ai choisi ethno-racial pour dire que la situation en France est un petit peu différente quand même de celle qui existe aux États-Unis et que les deux concepts m'intéressent encore une fois dans la mesure où ils sont tous les deux il nous aide à comprendre des formes d'inégalité dans les sociétés aujourd'hui traversées par des questions de diversité de leur population. Et puis, ça me permettait aussi d'insister sur les passerelles entre les deux concepts que je vous ai montrés, qui me semblent assez structurelles. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment c'est pas dans une société plus que dans une autre. C'est-à-dire que je pense vraiment que les deux concepts sont extrêmement imbriqués, notamment par ces processus à cause de ces processus de racialisation et ethnicisation qui produisent un peu cette grosse zone d'intersection. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler des mécanismes. Alors là, je vais être très, très... là aussi, vraiment, je vais un petit peu vite, mais je prendrai toutes les questions de manière un peu plus à aller plus dans le détail de la discussion. Mais pour présenter mon point de vue rapidement, je voulais d'abord insister sur le fait que quand on dit les inégalités ethno-raciales, directement, on peut être accusé de mettre en avant une forme d'inégalité. En France, en plus, il y a une forme de concurrence assez malsaine entre ces questions et les questions d'inégalité sociale qui sont historiquement plus légitimes dans la sociologie française. Je veux dire par là les inégalités liées à la division du travail. Donc, bien sûr, quand on fait cette perspective spécifique, particulière de la stratification sociale, on déstratifie la stratification sociale. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les travaux aujourd'hui sur l'intersectionnalité, la multidimensionnalité des inégalités, etc. Mon point de vue était de dire que moi, je voudrais faire une place un petit peu à ces questions dans la littérature et surtout dans l'enseignement de la stratification sociale en France. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel ouvrage sur la stratification sociale, je veux dire par là les ouvrages, les manuels que les universitaires de type licence et moins lisent aux États-Unis, il y a des chapitres sur classe, il y a des chapitres sur race, ethnicité, il y a des chapitres sur genre. Et en France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire stratification sociale égale classe sociale. D'ailleurs, même le genre a eu beaucoup de mal à trouver une place dans cette perspective-là de stratification et d'inégalité. Quand vous lisez, par exemple, des ouvrages aujourd'hui qui font, par exemple, le bilan des inégalités à l'école, on est frappé, c'est très rare de voir un chapitre qui parle des inégalités à l'école, même s'il y a de la littérature là-dessus. Mais on a une distinction entre ces champs. On a toujours rattaché ces questions à la question, encore une fois, de l'immigration, de l'intégration, et pas vraiment à la question des inégalités de la stratification sociale. Et donc, mon point de vue, c'est de dire, bon, à force, à défaut d'être très, très compréhensif, j'ai choisi cet angle de vue, sachant qu'il déstratifie la stratification sociale, mais je pense qu'il a une vertu, surtout, notamment pédagogique, hein, pour les étudiants. Alors, ce qui m'a aussi aidé, un des ouvrages qui m'a le plus aidé pour distinguer des mécanismes spécifiques de ce type d'inégalité, c'est l'ouvrage assez classique de Charles Tilly, qui s'appelle Durable Inequality, et en fait, qui distingue entre deux mécanismes des inégalités sociales, l'exploitation, qui constitue une forme d'extraction du travail de l'autre, et puis l'opportunity hoarding, que j'ai traduit dans l'ouvrage par l'accaparement des opportunités, avec cette idée qu'on exclut certains citoyens, certains membres de la société, de zones d'opportunité. Et qu'on pourrait rattacher plutôt les mécanismes liés aux inégalités ethno-raciales à ce concept d'opportunity hoarding plutôt qu'au concept d'exploitation. Et là aussi, je suis très schématique, parce qu'effectivement, il y a une intersection, bien sûr, entre ces deux mécanismes, parfois. Donc, on peut à la fois être exploité, c'est-à-dire appartenir à la classe ouvrière, par exemple, et être aussi dans les groupes ethno-raciaux les plus discriminés, parce que ça renvoie un petit peu à cette idée de discrimination, hein, l'opportunity hoarding. Alors, j'ai repéré dans la littérature trois notions fondamentales, hein, pour définir les mécanismes d'inégalité ethno-raciale. D'abord, la notion d'inégalité de distribution de ressources, qui découle d'une catégorisation ethno-raciale. C'est-à-dire, d'abord, il y a une dimension de catégorisation pour comprendre les inégalités. Alors, moi, je fais tout de suite le saut et je présente tous les travaux sur les inégalités elles-mêmes, mais j'ai commencé par expliquer les concepts et par dire que la notion d'ethnicité et de race renvoie à une catégorisation, c'est une forme de classification des membres, des groupes humains, qui est un produit de l'histoire, du contexte, etc. Ce n'est pas quelque chose d'unifié, universel, mais c'est à un moment donné, c'est une espèce d'ensemble de codes qui existent dans des sociétés et qui sont en perpétuelle transformation, qui sont aussi l'objet de luttes et de négociations entre les groupes. Alors, quand on travaille aussi sur ces questions, on rencontre souvent la notion de critères ascriptifs, c'est-à-dire qu'on rattache ces inégalités à des critères ascriptifs en opposition connaissez peut-être sans doute la définition, la distinction classique des personnes entre ascription and achievement. Donc l'idée, c'est que les critères ascriptifs ne sont pas compris comme des critères innés. Là encore, c'est pas du biologique, mais c'est des critères donnés. C'est pas exactement la même chose. Donnés. Donc ce qu'on connaît le mieux, c'est le genre, bien sûr. On n'a pas les sciences sociales. On déconstruit le genre en disant voilà, c'est construit, bien sûr, c'est pas une réalité uniquement naturelle, mais elle est donnée au sens, elle est intrinsèquement vécue comme étant individuelle, comme étant rattachée à l'individu, et elle est donnée avec l'individu de manière intrinsèque, on va dire. Et c'est et donc il y a une notion de frontière assez étanche, de limite de l'instrumentalisation, c'est-à-dire de l'appartenance à ces catégories, enfin de l'instrumentalisation de ces critères ascriptifs par rapport à d'autres critères comme par exemple l'éducation. Alors aussi, donc, la notion de frontière, donc, je pense que là, depuis le texte de Barthes, hein, de Frédéric Barthes, sur les notions de groupe ethnique, la notion de frontière s'est imposée dans la littérature comme une notion analytique extrêmement utile pour comprendre les mécanismes d'inégalité ethno-raciale. Alors bon, là aussi, je vais être très rapide. Je pense qu'un des apports de cette notion, c'est de réfléchir toujours en termes de « nous » et de eux, c'est-à-dire que dans les mécanismes d'inégalité ethno-raciale, il y a toujours deux groupes, hein, c'est-à-dire que quand il y a une catégorisation, il y a une frontière, des marqueurs qui en fait définissent quelque part ces frontières, qui peuvent être par exemple la religion dans certains contextes, qui peuvent être l'origine migratoire dans d'autres, qui peuvent être la couleur de la peau, etc. Et c'est en fait donc l'analyse des inégalités ethno-raciales devient aussi une forme d'analyse de la dynamique de ces frontières. Est-ce que ces frontières s'affaiblissent? Est-ce que ces frontières sont plus ou moins saillantes? Est-ce que ces frontières se déplacent, comme je vais essayer de vous montrer par exemple par des cas concrets? Ce sont les notions fondamentales. Ensuite, les dimensions fondamentales des inégalités ethno-raciales, c'est d'abord leur rattachement à des expériences historiques de domination, c'est-à-dire qu'elles... C'est le fait que les catégorisations elles-mêmes sont produites par des expériences historiques de domination, par exemple les conquêtes, la colonisation, l'occupation, la migration, qu'on trouve d'ailleurs dans la définition de Weber, mais d'autres historiens ont beaucoup travaillé sur la colonisation, l'impérialisme, c'est-à-dire le XVIe siècle comme étant le siècle qui a connu en fait la conception moderne de la race. Et parfois, il y a des travaux en histoire qui même avancent que la notion de race est une invention européenne, c'est-à-dire que ce sont les Européens, quand ils ont rencontré les peuples donc, d'Amérique, qui ont fait, avec cette espèce de violence de la rencontre avec des peuples extrêmement différents, qui sont même venus à se poser la question de savoir s'ils étaient des êtres humains, la notion de pureté de sang espagnole, etc., a émergé à cette période-là. Et donc, que finalement, il y a des expériences historiques importantes qui produisent et qui produisent de manière assez structurelle ces catégorisations ethno-raciales. Dans la littérature aussi, on trouve la dimension importante de l'encastrement institutionnel, c'est-à-dire que finalement, ces catégorisations sont au final produites, enfin surtout reproduites, parce que c'est le côté expérience historique réfléchit plutôt à leur production, et le côté encastrement institutionnel réfléchit plutôt à leur reproduction. Hein, donc par la loi, par les marchés, par l'éducation, par l'école, par la justice, donc par des institutions et non pas seulement par des interactions individuelles. Et puis là, je vais passer très vite, mais peut-être ça vous intéresserait, hein, étant donné ce que vous faites aussi dans ce laboratoire. Beaucoup de littérature s'est plutôt intéressée à la question de transmission de la reproduction, et de la reproduction, là, pour le coup, par des mécanismes classiques de la socialisation, hein, de ces inégalités, de cette catégorisation, du sens qu'on donne, par exemple, aux marqueurs non-raciaux. Et puis, une littérature foisonnante en sciences cognitives et en psychologie sociale a essayé de rattacher ces considérations macro-sociologiques à des mécanismes plus cognitifs qui se passent dans le cerveau des êtres humains et qui nous éclairent un petit peu sur la manière dont ces inégalités sont reproduites. Alors, bon, je vais peut-être un petit peu passer rapidement, mais je voulais vous parler un petit peu, peut-être ici je vais passer sur la notion de discrimination. Dans l'ouvrage, je retrace un petit peu le concept de discrimination comme étant aujourd'hui un des concepts clés dans cette littérature, même s'il a connu une forme de, transformation conceptuelle depuis ses origines très juridiques à, par exemple, les apports des sciences économiques et ensuite plutôt la sociologie sur les questions de discrimination institutionnelle, systémique, etc. Ce sur quoi je voulais aussi insister, mais très rapidement, c'est, bon, je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui peuvent vous éclairer sur le fait que le racisme ne suffit pas pour expliquer les inégalités ethno-raciales. Et on ne peut pas dire, c'est un peu une forme de tautologie de dire qu'il y a des inégalités ethno-raciales parce qu'il y a des êtres humains qui sont racistes. Hein, et donc, parce qu'en fait, le racisme pose des problèmes. Par exemple, il existe des racismes intergroupes au sein même des groupes minoritaires hein, qui subissent des formes d'inégalité raciale. Il y a beaucoup de littérature aux États-Unis sur les tensions spécifiques entre, par exemple, les Coréens et les Afro-Américains dans certains quartiers. On peut aussi, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse sur la notion de racisme anti-blanc. Et même, on peut aller plus loin pour dire que les groupes minoritaires ont des stéréotypes sur leur propre groupe. Hein. Donc, on a aussi beaucoup de littérature en psychologie sociale sur la violence symbolique, l'intériorisation des stéréotypes raciaux. Donc, je pense que le racisme, je pense aujourd'hui, il y a vraiment une forme de consensus sur le fait que le racisme ne nous permet pas, à lui seul, en tout cas, de comprendre ces mécanismes inégalitaires. Alors, je vais passer sur, pour vraiment vous parler un peu plus des données, mais on pourrait après revenir un peu sur le parallèle avec le genre et le débat entre race et classe sociale. Je voulais, pour continuer un peu sur les... Parce que je vois que le temps passe vite, je voulais dire quelques mots sur les apports des analyses empiriques. Alors... En France, on sait que ces débats sont extrêmement sensibles, mais... On oublie parfois qu'ils sont sensibles, en fait, partout. Hein. Je veux dire, on ne peut pas non plus... dire, même aux États-Unis, pays qui pratique beaucoup de catégories ethno-raciales depuis des siècles, enfin, depuis le premier recensement, par exemple, américain, ces débats, ces questions sont... Les questions des données sont très délicates. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a dit il y a des formes de catégorisation qui existent dans la société... On n'a rien dit, parce qu'il faut quand même essayer de les mesurer. Et dès qu'on les mesure, le fait est qu'on crée des catégorisations. Hein. Donc, il y a toujours cette question de dans quelle mesure ces questions se prêtent à l'investigation empirique. Moi, ma position fondamentale est de dire qu'il faut qu'elles se prêtent à l'investigation empirique. On ne peut pas, se donner le luxe de ne pas se confronter à l'investigation empirique dans ce domaine-là, même si on sait que l'objet même est assez réticent à une forme de mesure, parce qu'il insiste effectivement sur le fait que ces catégorisations sont en continuelle et perpétuelle transformation. Mais alors, la catégorisation, elle se pose de manière, bien évidemment, et on ne peut pas le nier, de manière plus fondamentale et plus gênante quand il s'agit des recensements. Alors, donc voilà, moi par exemple, j'ai pris part en France un petit peu dans la question des statistiques ethniques. J'étais plutôt en faveur d'une forme d'objectivation statistique, par exemple, de la question de l'origine en France. Mais ceci étant dit, je ne peux pas nier le fait que quand on se prête quand on veut vraiment, quand l'État décide de collecter ces données, ça pose des problématiques spécifiques. D'ailleurs, quand on vous regardez en France, tous les travaux ethnographiques... Quand tu parles statistiques ethniques, tu veux dire le taux... Alors bon, on en est loin en France de l'auto-identification. Non, parce que je vais peut-être faire dans quelques minutes, je vais vous montrer un peu ce qu'il existe en France là-dessus, mais la position en France de chercheurs qui ont un petit peu, on va dire, milité pour l'introduction de statistiques là-dessus, plutôt c'est limité à la question, surtout dans le recensement, essayer de repérer la seconde génération. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'arrive pas dans le recensement à voir le pays de naissance des parents. Donc alors... Ce que je veux dire là, c'est que finalement, le constructivisme a beaucoup permis à cette littérature de proliférer, permis au débat en fait, de se mettre en place dans une atmosphère moins malsaine, je dirais, parce qu'effectivement, quand On s'est mis d'accord sur l'anti-essentialisme, on s'est mis d'accord. Ça a permis à la recherche de réfléchir de manière un peu plus froide, je dirais, à ces questions. Et donc, je pense, de ce point de vue-là, ça a été extrêmement utile. Mais en même temps, en contrepartie, le constructivisme, effectivement, a été parfois interprété comme une résistance, enfin, en tout cas, a été traduit en une forme de résistance à l'objectivation empirique. Alors, par exemple, il y a certains auteurs qui vont dire... La race est une construction sociale, ce n'est pas une catégorie scientifique d'études, donc il faut pas l'utiliser dans les sciences sociales, voire même les chercheurs qui l'utilisent sont en train de rigidifier ces constructions sociales qui sont en fait erronées. Alors d'autres, par exemple comme Bonilla Silva, vont dire la race est une construction sociale, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fait social. D'ailleurs, il a trouvé cette formule extrêmement ingénieuse où il dit « the essential social fact ». C'est un fait social essentiel et non pas essentialiste, au sens où il a un sens extrêmement fort pour les individus. Il oriente les actions des individus, il explique certaines dynamiques sociales importantes. Puis plus... On pourrait présenter un peu ces questions aussi comme étant, un peu dans une analogie avec la littérature sur les classes sociales, on pourrait présenter ça comme dans la perspective de processus, comme une forme de lutte. C'est-à-dire, on voit aux États-Unis, par exemple, que la catégorisation, ça a des enjeux. Hein, donc, par exemple, les Hispaniques ont déployé un lobbying politique extrêmement fort pour qu'ils aient une question à part dans le recensement, etc. Donc, il y a une forme de lutte pour la catégorisation, un peu comme la lutte des classes, et finalement, le constructivisme s'intéresse à cette lutte-là, et donc, de ce point de vue-là, le constructivisme a besoin d'être aussi retracé avec des outils empiriques. Alors, dans l'ouvrage, quand je parle un petit peu des enjeux de la catégorisation empirique, c'est-à-dire la statistique, en gros, j'ai repéré trois différents enjeux. Les enjeux politiques, alors ce sont des enjeux très connus en France, parce qu'on a beaucoup parlé de la menace que cela pouvait avoir sur la République de reconnaître des groupes. Bien sûr, on a derrière aussi tous en tête l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, les conséquences en termes d'extermination de certains groupes stigmatisés, etc. Donc, je ne rentre pas dans ces enjeux-là, qui sont assez connus, me semble-t-il. Et j'ai parlé aussi des enjeux de reconnaissance, qui sont aussi des enjeux politiques, c'est-à-dire reconnaissance des groupes. C'est typiquement le cas aux États-Unis. On sait très bien qu'après les civil rights, d'abord, en fait, l'affirmative action aux États-Unis, c'était plutôt... Donc, c'est clairement d'abord les Afro-Américains qui ont lutté pour qu'il y ait une forme d'égalité juridique et des formes d'action spécifiques qui vit cette population. Mais ensuite, il y a une lutte d'autres populations, des minorités ethniques, mais aussi d'ailleurs les femmes, qui ont essayé donc d'être reconnus comme étant des groupes historiquement infériorisés. Donc il y a une forme de... Aujourd'hui, par exemple au Canada et aux États-Unis d'ailleurs, dans le recensement, quand vous remplissez ce genre de questions, c'est clairement marqué à côté que ces questions servent à l'État pour implémenter des politiques d'affirmative action. Donc la dimension de reconnaissance par l'État de désavantages structurels qu'on cherche à corriger, etc. Donc je ne rentre pas dans ces enjeux-là. Ici, je vais vous parler surtout des enjeux de connaissance, c'est-à-dire des enjeux scientifiques, hein, juste pour comprendre un peu plus ce que sont la race et l'ethnicité, que les mécanismes d'inégalité ethnique. Et de ce point de vue-là, je vais parler de trois perspectives qui me semblent importantes. Le constructivisme comme réalité empirique, c'est-à-dire on parle de constructivisme comme une espèce de position épistémologique. Vous savez que ça a un peu, il y a aussi les épistémologiques. Vous savez aussi qu'il y a l'influence de tout ce qui s'est fait en philosophie, le courant pragmatique, etc. Donc cette approche constructiviste. Mais de mon point de vue, le constructivisme est aussi une réalité empirique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en rende compte dans nos observations empiriques. De ce point de vue-là, les données empiriques sur ces questions permettent de valider ou d'invalider le constructivisme. En l'occurrence, elles permettent de le valider. Ensuite, la perspective interactionniste, c'est-à-dire cette idée que ethnicité et race, en fait, ce sont des catégories qui se construisent autour de frontières, qui expliquent... Donc, ce sont des catégories relationnelles. Hein, donc, c'est vraiment l'aspect relation entre groupes. Et puis, je vais vous donner des exemples très précis. Enfin, on peut parler, par exemple, ici, typiquement, de toutes les questions qui sont utilisées aujourd'hui dans les enquêtes, de manière très originale, sur ce qu'on appelle l'auto-hétéro-identification. C'est-à-dire demander aux gens de dire comment ils pensent que les autres les perçoivent. Et donc, on voit parfois qu'il y a une différence entre comment les gens se perçoivent et comment ils pensent que les autres les perçoivent. Puis, bon, bah, la dimension stratificationniste, là, je vais aller très vite, parce que là, pour le coup, il y a une pléthore d'évidences empiriques aux États-Unis, mais aussi aujourd'hui en France, notamment par des données de testing, par des enquêtes ethnographiques extrêmement poussées, par des mesures statistiques sur grandes enquêtes représentatives, d'écart dans l'éducation, dans l'emploi. Alors, le plus impressionnant, bien sûr, c'est la santé, l'espérance de vie. Ce sont des choses qui cristallisent, je dirais, à l'extrême, ces inégalités-là. Mais aussi les questions d'accès aux droits, de participation, représentation politique. Et bah, aux États-Unis, beaucoup de travaux récents sur le système pénal et carcéral comme étant un des moteurs vraiment extrêmement massifs des inégalités raciales américaines. Alors, je voulais vous parler plus précisément de les études sur la whiteness, donc la blancheur, comme un des exemples de ces trois perspectives. Mais là, je vais vous laisser lire un petit peu la diapo, parce que je vais peut-être laisser 5 minutes pour vous parler quand même, pour revenir un peu au contexte français. Et par exemple, ce champ sur la blancheur, comment définir les blancs, qu'est-ce que c'est que le groupe des blancs, montre bien comment, c'est-à-dire les études empiriques sur la blancheur, qu'elles soient historiques d'ailleurs, par exemple toutes les études sur comment la frontière donc la color line s'est déplacée au début du siècle pour inclure des groupes comme les Irlandais qui étaient perçus comme noirs vraiment, hein, donc tout en gardant la frontière tout à fait saillante entre les blancs et les noirs, mais en incorporant ces groupes-là, donc on parle de boundary shifting, cette idée que. Ça s'appelle la color line. C'est la frontière raciale entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Il y a aussi donc même que c'est pas seulement des perspectives historiques au sens elles sont pas exogènes, elles sont aussi issues de luttes, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, il y a un très bel ouvrage qui s'appelle Working Toward Whiteness. Il montre comment, en fait, c'est plutôt les Européens du Sud, donc c'est Roediger qui montre comment les Italiens, etc., ont lutté pour, en fait, intégrer le groupe des Blancs aux États-Unis. Ça n'a pas été juste parce qu'ils avaient une couleur de peau un peu plus claire que les Afro-Américains. Donc, il y a vraiment toutes ces études empiriques sur les groupes spécifiques, etc., montrent. À mon sens, elle donne une illustration de ce que c'est que le constructivisme ethno-racial. Et puis, bien sûr, toutes les perspectives stratificationnistes qui montrent comment le groupe blanc monopolise l'ensemble des ressources économiques, sociales, et même plus loin, les ressources symboliques, culturelles, et fonctionnent comme un principe de groupe organisationnel, on va dire, de la norme culturelle, un peu influencée par d'ailleurs la perspective bourdieusienne, un peu de la domination. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, donc je voulais juste revenir sur le contexte français, peut-être pour aussi amorcer la discussion. Donc, on peut dire, j'ai commencé un peu par dire ça, peut-être dans l'ouvrage, si je me souviens bien de l'introduction, qu'il y a une forme de... Je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fait que la société, au moins, peut-être la sociologie aussi, a été traditionnellement colorblind en France, au sens où elle était aveugle aux différences en termes d'origine ethno-raciale. On peut rattacher ça à une forme de suprématie du schéma classiste. On trouve ça dans des textes de manière assez explicite aujourd'hui, dans des textes, par exemple, pour citer des noms, par exemple, dans un texte de Stéphane Beau, où il dit clairement que finalement, il y a une forme de concurrence, que tous ces travaux qui aujourd'hui veulent travailler sur ça, en fait, ils sont en train de détruire la tradition de travaux sur la classe ouvrière en France. D'autres, comme encore plus caricaturaux, je dirais, comme par exemple le petit ouvrage Walter s'appelle La diversité contre l'égalité, quelque chose comme ça, où il dit clairement qu'en France, on a une forme de politisation de ces questions pour cacher les vraies questions de classe, etc. Donc il y a une forme de concurrence entre ces questions et la perspective classiste qui a une forme de légitimité plus grande, au moins, on peut dire ça pour être le plus objectif possible en France. Alors parfois on dit aussi que c'est un héritage sociologique, parce que nos grands sociologues ne sont jamais intéressés à ces questions. Il n'y a pas de tradition française. Moi je dirais que, en fait, j'ai pensé ça au début, mais je le pense de moins en moins, parce que quand je lis des travaux américains ou même européens, je suis frappée par le degré auquel Durkheim, Bourdieu sont cités en fait dans ces travaux-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sans doute que Bourdieu et Durkheim n'ont pas explicitement parlé de ces questions-là. Alors on peut expliquer pourquoi, par exemple, notamment pour Durkheim, peut-être un peu moins pour Bourdieu, mais pour Durkheim, on peut expliquer cela par la création de l'État-nation, le fait qu'il y avait une forme de patriotisme extrêmement forte à l'époque, et qui... Plus structurellement, on peut aussi rattacher ça à sa réflexion sur la modernité, c'est-à-dire cette idée que les liens la solidarité organique, donc tout ce qui était ethnique, groupe ethnique, était censé être quelque chose qui va être en voie de disparition l'urbanisation, la sécularisation, etc., de la société. Mais en même temps, Durkheim est extrêmement cité dans tous les travaux sur la catégorisation, parce que c'était un des premiers, en fait, à vraiment... formuler en fait la perspective constructiviste sur les catégories, notamment dans les formes élémentaires de la vie religieuse, de la religion. Bourdieu, pléthore de citations de Bourdieu dans tout ce qui est domination, le concept de race, etc. Là aussi, sans que lui, il ait vraiment frontalement attaqué ces questions. D'ailleurs, on est assez surpris du fait que, quand on regarde, Bourdieu, il a quand même très très peu parlé vraiment des conséquences de l'immigration sur les inégalités en France, par exemple. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas seulement un héritage sociologique qui nous vient comme ça, qui nous détermine, mais c'est aussi parce qu'on n'en a pas fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait des éléments conceptuels dans notre classique pour travailler un peu plus sur ces questions, mais il me semble qu'on n'en a pas, on n'a pas non plus exploité, on va dire, ces ressources qu'on avait, et d'ailleurs, d'autres l'ont fait. Si on veut clore un petit peu, si on veut un petit peu revenir à la question de l'intégration des immigrés, on pourrait, après avoir présenté un peu cette perspective des stratificationnistes des inégalités ethno-raciales, revenir au modèle républicain et le présenter comme, en fait, on peut le relire comme dans une perspective ethno-raciale. C'est-à-dire qu'on peut relire le modèle républicain tel qu'il est affiché, surtout quand il est rattaché à ces questions d'origine des individus, comme une forme de modèle qui traduit une position qui n'est pas neutre ethniquement, hein, qui n'est pas neutre du point de vue ethno-racial, et on peut même dire que c'est un modèle qui peut-être, protège un certain groupe. Hein, en France, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les groupes des Blancs? Est-ce que c'est les groupes des Français qui n'ont pas d'ascendance migratoire? Est-ce que c'est le groupe de la majorité? Ça, c'est ce qu'on utilise de plus en plus dans la littérature. Ça, c'est un débat. Mais là, je vous donne, par exemple, une citation de Sayyad qui laisse un petit peu... Enfin, qui interprète un peu ce modèle dans cette perspective-là. Je ne sais pas si je peux encore dire quelques mots sur la comparaison avec les États-Unis. Alors, je voulais vous montrer les statistiques ethniques en France. Je veux dire, ce modèle a des conséquences sur les statistiques ethniques. Vous les connaissez parce qu'il y a des controverses répétées qui divisent toujours le milieu académique, hein, même si on a beaucoup évolué, je pense, parce que déjà les données ont évolué, mais aussi parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé au sein du milieu académique dans les positions sur ces questions. Mais aujourd'hui en France, dans la statistique publique, hein, dans tout ce qui est grandes enquêtes représentatives, dans le recensement, on a le pays de naissance, la nationalité à la naissance, donc on arrive à voir les premières générations immigrées, ce qui pose des problèmes très complexes pour la notion de la question de la ségrégation, parce que quand on veut travailler sur la ségrégation spatiale, dans tous les pays du monde, on utilise les recensements, parce qu'on a besoin d'aller dans des localités extrêmement fines, et on a besoin d'avoir l'exhaustivité de la population, parce qu'en plus, on travaille sur des groupes minoritaires. Donc quand vous allez dans vraiment un quartier, vous voulez regarder le nombre d'Algériens, vous avez besoin d'avoir le recensement, sinon vous allez avoir du bruit, quoi. Pour l'instant, on n'a pas la deuxième génération dans le recensement. On a la deuxième génération dans certaines grandes enquêtes de la statistique publique, comme Par exemple, l'enquête emploi depuis 2005, l'enquête SQP depuis 2003, l'enquête génération du CEREC, qui sont en fait des enquêtes qui permettent de faire vraiment pas mal de travaux aujourd'hui sur ces questions. On n'a rien sur la couleur de la peau. On a l'épisode Théo, que vous connaissez peut-être, où il y avait une question sur la couleur de la peau qui a été enlevée du questionnaire suite à une malencontreuse coïncidence avec des lois à l'époque sur l'ADN. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Une forme de mobilisation extrêmement forte qui a été contre cette enquête, notamment contre la question sur la couleur de la peau, alors que bon, on a quelques travaux aujourd'hui qui sont plutôt des travaux historiques ou qualitatifs qui mettent en avant une forme de importance de la couleur de la peau dans la société française, mais on n'a rien, vraiment rien dans la statistique publique aujourd'hui. Alors par exemple dans Théo, c'est un peu absurde parce que dans Théo on a gardé, je vais vous les montrer, par exemple on a des questions sur, par exemple, cette question, parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui vous définissent le mieux ? Et on a une liste de caractéristiques. On a la caractéristique votre couleur de peau, mais on n'a rien d'abord sur l'autodéclaration des individus sur leur couleur de peau. Donc on a enlevé l'autodéclaration des individus sur leur couleur de peau et on a gardé plein de réponses. Donc on procède un peu comme ça par tautologie parce qu'on voit bien qu'en fait, ce sont les Africains, les Domiens qui vont plutôt choisir ces options-là. Et donc, on en infère qui sont de couleur de peau foncée, on va dire. Et donc, voilà, on tourne un petit peu en rond. Mais quelques questions qui, aujourd'hui, se rapprochent le plus de ces notions de mesure de l'ethno-raciale. Par exemple, dans Théo, il y a une question d'auto-déclaration du groupe, mais complètement ouverte. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de référentiel ethno-racial. On n'a pas de case à cocher, mais on a une question, en pensant à votre histoire familiale, c'est une question qui est un petit peu influencée par la question classique qui n'existe plus aujourd'hui dans le recensement américain sur l'ancestry. On appelait ça l'ancestry, donc les origines des individus, des ancêtres. Et puis, on a des questions sur des discriminations. Donc, on a des questions sur des traitements de discriminatoires. Alors là aussi, avec des problèmes que ça pose, de demander aux individus de rapporter de manière subjective des traitements interprétés comme étant discriminatoires. Mais quand ils disent que c'est le cas, on leur demande pourquoi. Et il y a parmi les catégories possibles la couleur de la peau aussi. Donc, il va y avoir enfin un ouvrage qui va sortir en 2014 qui rassemble toutes les... Et il y a aussi pas mal de papiers qui sortent en ce moment et qui sont sortis les dernières années sur ces questions. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, puis je vous parlerai un peu plus de la comparaison, si vous voulez, dans la discussion. Merci beaucoup, Léona, pour cette exposé très dense, très complet. La parole est à Salle. Une première question, mais ça ne va pas à Léona qui s'adresse à Olivier. Justement, avec ce qu'elle a un peu dit Liana, c'est-à-dire dans quelle mesure ces nouvelles caractéristiques inégalitaires remettent en cause le modèle classique de la stratification sociale qui repose sur le statut socio-économique. Oui, bien sûr. J'ai deux questions sur la présentation. La première question, je trouve qu'on intéressant parce que c'est presque une forme de réflexivité sur la partie des sciences sociales, sur la catégorie de racial comme une forme d'impensée sociologique du moins en France. Un paradigme, si ça pourrait être, comment ce paradigme, ce qu'on pourrait faire, qui est une forme de de généalogie du constructivisme saisi du point de vue de la réimportation d'un certain nombre de cas biologiques vers les sciences sociales. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est plus. J'ai vu le tour de vue de ce que tu proposais, et c'est très large. Et la question d'alignement, je me suis posé, c'est qu'est-ce que fait cette catégorie ethno-raciale, en fait, non pas tant la stratification, mais par exemple, qu'est-ce que ça apporte du point de vue du schéma explicatif? Est-ce que fondamentalement, on va analyser différemment la théorie sociologique? Est-ce que ça va informer? De quelle manière ça va informer la théorie sociologique, sa capacité à expliquer quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est simplement on élargit le spectre des identités, et comment cette variable, cette dimension-là va interagir avec tout ce que l'on sait par ailleurs des mécanismes préexistants? Alors, c'est des questions extrêmement pertinentes. Je pense la première, donc, pour essayer de répondre. Effectivement, j'ai pas vraiment abordé ces questions. J'évite un petit peu rapidement en disant voilà, c'est bon, on est tous anti-essentialistes, etc. Mais il y a un vrai débat avec les sciences naturelles. Hein. Je pense que c'est un débat qui n'est pas d'ailleurs complètement fini, même si on dit aujourd'hui tout le monde s'accorde sur le fait que la race et la conception de la race dans les sciences sociales est anti-essentialiste. Alors, ce que je peux dire, c'est que d'abord, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a une forme, bien sûr, que dans le 19e siècle, les écrits scientifiques en sciences sociales sur les questions d'ethnicité et de race étaient complètement subordonnés aux sciences naturelles. D'ailleurs, ce qu'on appelle le social darwinisme et le fait que Darwin a été relu comme... dans une perspective appliquée aux sciences sociales. D'ailleurs, les biologistes, eux, s'en défendaient. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est un petit peu, d'une certaine mesure, au fil des années, surtout au début du XXe siècle, les biologistes avaient une position de dire « Nous, on n'a pas, de toute façon, on n'arrive pas à définir vraiment ce que c'est que la race en biologie, hein, pour les êtres humains. Et donc, si ça existe dans la société, c'est pas notre problème, c'est le problème des sciences sociales. » C'est un peu les biologistes qui ont un petit peu renvoyé la balle vers les sciences sociales en disant que c'est aux scientifiques en sciences sociales de réfléchir à ces notions, parce que eux, ils ne pouvaient pas définir ce que c'est que la race. D'ailleurs, pendant longtemps, on disait dans les manuels scolaires que la race n'a aucune validité scientifique du point de vue des sciences sociales. Alors aujourd'hui, donc, par exemple, vous connaissez peut-être du coup les études, le texte classique de Michael Gold qui s'appelle The Mismeasurement of Man, où il discute tous les travaux sur le social Darwinism et il les démonte un par un et il montre en fait pourquoi certaines caractéristiques biologiques acquièrent du sens social dans certaines conditions, etc. Donc il y avait une réflexion vraiment dans les sciences sociales sur quand le biologique devient porteur de sens sociologique. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'il faut faire attention si on veut tout de suite dire du genre il n'y a pas de débat en biologie là-dessus, parce que je pense que quand on regarde un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, on a l'impression, par exemple, notamment avec le développement de tout ce qui est en fait le génome humain, etc., on a des travaux qui aujourd'hui réfléchissent un peu de manière un peu plus sans tabou sur ces questions. Enfin, qu'est-ce qu'on peut définir différemment certains pools d'allèles, etc., dans certaines populations, mais là encore avec une distance extrêmement forte avec les sciences sociales, ce que les sciences sociales utilisent comme catégorie raciale, en disant ces catégories-là, c'est seulement vous qui pouvez nous les expliquer. Nous, on n'arrive pas à expliquer pourquoi les Afro-Américains, c'est une catégorie raciale aux États-Unis. Par contre, on ne se défend pas d'étudier ce qui, en biologie, peut expliquer, par exemple, pourquoi des maladies sont plus fréquentes dans certains groupes que dans d'autres. D'accord ? Donc, je pense que bon, il y a encore une partie du débat qui n'est pas complètement fermée. Aujourd'hui, on arrive à la revisiter parce que il y a certaines passions qui se sont un petit peu amoindries, j'ai l'impression, mais c'est pas complètement. La réponse n'est pas toujours complètement. Enfin, il y a vraiment beaucoup de littérature extrêmement intéressante là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de littérature aujourd'hui en sociologie, par exemple, sur les pratiques médicales. Ça, c'est vraiment, je pense, un champ qui va vraiment connaître une, des travaux très très innovants sur dans les pratiques médicales avec toutes les questions d'ADN, etc. Comment on manipule des catégories raciales qui sont peut-être très différentes de celles qu'on utilise dans les sociétés et par les sociologues, etc. Donc je pense qu'il y a encore une perspective de discussion avec les autres sciences, notamment les sciences naturelles, sur ces questions. Mais c'est sûr que la sociologie, les sciences sociales réfléchissent à ces questions dans une perspective extrêmement spécifique. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que les biologistes reconnaissent que ça a beaucoup apporté aux sciences naturelles, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été regarder ce que les sociologues faisaient là-dessus, parce qu'ils n'avaient pas de réponse, eux, pour expliquer pourquoi il y avait des inégalités en fonction des caractéristiques biologiques, par exemple. Alors, pour la question théorique globale, c'est une question très intéressante et je pense que je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir y répondre parce que je n'ai pas la prétention, ni dans cet ouvrage, ni par ailleurs dans mes travaux, d'introduire une innovation théorique dans la littérature sur ces questions. Ceci étant dit, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça apporte du point de vue théorique et pas forcément. Enfin, donc je vous entends bien dire. Alors, est-ce que ça c'est juste pour élargir le spectre des inégalités? Un peu comme ce qui s'est passé avec le genre, c'est-à-dire que dire voilà, il y a une dimension qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à des études sur l'intersectionnalité. Qui sont aujourd'hui un petit peu discutés dans la mesure où les études sur l'intersectionnalité aux États-Unis, par exemple, ont émergé dans un contexte notamment par des femmes militantes noires qui disaient tout le mouvement féministe n'a pas regardé la lutte spécifique des femmes de couleur aux États-Unis. Et donc, ils essayaient de mettre en avant l'intersection entre des caractéristiques qui étaient défavorable, donc par exemple la couleur de la peau et le fait d'être une femme. Et donc aujourd'hui, quand on discute ces travaux, on a tendance à dire ces travaux ont essayé de parler, ont mis en avant la notion de matrice, intersection des positions, c'est-à-dire l'idée que chaque individu pouvait être il fallait regarder toutes les dimensions qui pouvaient le définir. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Est-ce que c'est un ouvrier ou un cadre? Est-ce que c'est... Et donc, est-ce que c'est un noir ou un blanc, etc. Et de ce point de vue-là, si cette perspective a permis effectivement de mettre en évidence la lutte des femmes noires et puis la situation particulièrement désavantagée de ces femmes noires, je pense qu'elle a eu aussi comme inconvénient de définir les gens un peu par des catégories comme ça et l'intersection des catégories, du coup, parfois laisser en tout cas, oui, ne pas revenir sur le fait que ces catégories n'étaient pas en soi des définitions extrêmement rigides de ce que sont que les individus. Mais aujourd'hui, on réfléchit plus en termes de champ et de fusion plutôt que d'intersection. Donc, pour dire plutôt que La racialisation peut opérer différemment pour les hommes et pour les femmes. Et donc, par exemple, le travail aujourd'hui en Europe, des travaux sur, et aux États-Unis aussi, la racialisation des musulmans et le lien avec le voile des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de processus, c'est pas seulement être femme désavantagée et être d'un groupe racial désavantagé, c'est en fait que le processus de racialisation opère différent pour les hommes et pour les femmes, en l'occurrence ici, parce qu'il y a un critère de visibilité extrêmement fort, etc. Donc ça me semble intéressant, mais ça ne répond pas vraiment à la question, parce que c'est pas exactement un apport théorique macro-sociologique. Je pense que si vous voulez regarder quelque chose de l'ordre de l'apport théorique à la théorie sociologique, je pense qu'il faut vraiment regarder du côté de ce qu'on appelle la sociologie pragmatique ou la vision radicale pragmatique. Aujourd'hui, aux États-Unis, on utilise plutôt radical pragmatisme. Donc il y a un texte que j'aime beaucoup de Howard Winant qui s'appelle « What can racial theory tell us about social theory ?» Et le texte en fait montre bien comment on peut rattacher ça par exemple à des travaux en France, même si encore une fois il se présente pas comme ça, mais par exemple de Poltanski, de Thévenot, etc., sur le subjectif et l'objectif, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie sociale, qu'est-ce qu'elle représente pour les individus, comment elle se reproduit par les structures sociales, etc. Donc il y a vraiment dans ce texte une réflexion sur comment les avancées empirique et théorique dans le domaine de l'ethno-racial, on contribue, voire même il défend l'idée que ça serait un des exemples plus forts, en fait, qui pourrait être utilisé dans sa théorie du pragmatisme sur cette notion de catégorisation, dimension subjective et objective, etc. J'aurais une question sur le racisme. Parce que tu l'as abordé de manière un peu périphérique, et alors que, encore récemment, c'est quelque chose qui est très foisonnant dans le débat social et politique aujourd'hui, en tout cas en France. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est le racisme d'abord ? Bon, la définition initiale, c'est une infériorité biologique de certaines races par rapport à d'autres. Alors, est-ce que ça existe encore, ou est-ce que cette définition s'est décomposée ? Enfin, voilà, donc, qu'est-ce que c'est que le racisme ? Est-ce que ça existe ? Comment on peut le définir ? Et puis, est-ce qu'il y a une réalité sociale du racisme aujourd'hui, en France et dans d'autres sociétés ? Est-ce que ça continue à définir, d'une certaine manière, une partie au moins des rapports entre les personnes d'origine étrangère et les autres ? Donc ça, c'était une question. Et puis, j'en ai une autre, beaucoup plus anecdotique, mais qui m'amuse et m'intéresse personnellement, c'est: est-ce que tu as été auditionné pour ce fameux rapport sur l'intégration? Et qu'est-ce que tu en penses? Enfin, pas sur le fond, mais comment tu le lis? Comment tu lis ce rapport dans le contexte, je dirais, entre guillemets, conceptuel que tu as dressé? Parce qu'au fond, j'ai bien compris, ce rapport remet en cause la notion même d'intégration, en présentant cette assignation à l'intégration comme quelque chose de stigmatisant, voilà, qui peut être racial. Voilà mes deux questions. Alors, la première est très importante, elle est aussi très large, donc je vais essayer d'être la plus précise possible. J'ai pas dit que le racisme n'était pas intéressant à étudier, et ce que j'ai dit, c'est que le racisme n'était pas suffisant pour expliquer les inégalités ethno-raciales. Alors après, je pense que le racisme, on a plusieurs définitions, hein, mais la définition, c'est quand même plutôt une notion d'idéologie, qui donc renvoie à des hiérarchies liées à des caractéristiques biologiques. Le problème, c'est juste que j'ai l'impression que, tel qu'on le définit comme ça, la recherche empirique sur le racisme a eu un peu de manière, assez spontanée, comme objet d'étude, de savoir si le racisme augmentait ou diminuait. Enfin, surtout, est-ce que le racisme existe encore ? Et ça, c'est un gros champ de recherche aux États-Unis. Le problème, c'est que le racisme, ça fait partie un peu de ces choses, si on veut les mesurer, comme ils sont en constante transformation, c'est-à-dire que l'idéologie même de ce que c'est qu'être raciste est tellement en transformation que, effectivement, si on veut la mesurer par les mêmes indicateurs, par exemple aux États-Unis, on trouve au fil des enquêtes qui sont en fait des enquêtes répéter dans le temps qu'effectivement les préjugés racistes diminuent aux États-Unis, c'est sûr. En France, même, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Il y a quelques rapports de la Commission consultative des droits de l'homme qui montrent qu'à peu près, quand même, 30% des Français adhèrent à des formes de... Alors, ça dépend un peu comment on les mesure, mais à des formes de théorie raciale. 30%. Mais, oui, c'est quand même pas rien. Donc là, on va dire vraiment renvoyer directement à, par exemple, je sais pas, une forme de naturalisation des origines, notamment, par exemple, quand on pose des questions sur les Arabes, sur les Noirs, etc. Alors, il y a une batterie de questions qui permettent de mesurer ça. Mais que c'est sûr, je pense que personne ne peut nier que le racisme aujourd'hui en France n'est pas du tout comme celui qui, même si ce qui s'est passé avec la ministre nous renvoyait cette image du racisme colonial le plus brutal, on va dire, personne ne peut nier que cette forme de racisme est quand même loin d'être... C'est une sorte de distinction de racisme et de xénophobie. Alors, moi, je pense pas que ça a un sens, comme je pense que ça n'a pas de sens de distinguer racisme et antisémitisme, même si, bon, on pourrait dire que... Enfin, je pense que ça fait partie de l'ensemble de travaux qui sont, en fait, sur les préjugés et les stéréotypes raciaux. Je pense qu'il est utile pour ces travaux-là de se fédérer, hein, donc derrière... Et je pense, de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est de regarder tout ce qui se fait dans la littérature, sur la psychologie, en psychologie sociale et en sciences cognitives, sur les dimensions des stéréotypes et, en fait, les mécanismes cognitifs des stéréotypes. C'est-à-dire, par exemple... Maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup d'expériences en neurosciences, en sciences cognitives, qui montrent que le racisme, c'est pas mal, c'est pas une forme de virus de l'humanité, c'est en fait une forme de caractéristique inhérente du fonctionnement du cerveau humain, c'est-à-dire pas forcément dans la dimension lien avec des hiérarchies biologiques, mais dans la dimension stéréotype, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau humain fonctionne par définition, par catégorisation. Et les catégorisations liées au phénotype sont les catégorisations les plus cognitivement efficaces. Alors, pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous voyez un individu qui approche vers vous. Et en fait, au bout de quelques mètres, vous n'arrivez toujours pas à distinguer si l'individu est un homme ou une femme. Vous êtes un petit peu troublé parce que votre cerveau est directement habitué à catégoriser d'abord l'apparence physique de l'humain en termes de groupe homme et femme. Donc, tous les travaux là-dessus, je pense qu'ils insistent sur le fait qu'il faut réfléchir au racisme, non pas comme effectivement, parce que tout le monde est d'accord que le racisme est mal, tout le monde se défend d'être raciste, hein, je veux dire, ça c'est complètement, on trouve ça dans toutes les enquêtes, donc personne ne va dire je suis raciste, c'est extrêmement rare. Donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir comment ces stéréotypes sont produits et reproduits par le cerveau, et de ce point de vue-là, je pense que fédérer les formes de racisme est une bonne chose. Alors, il ne faut pas pour autant, je pense qu'il y a plein de travaux en psychologie sociale qui distinguent le racisme du sexisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a, non, et notamment, pour aller le plus loin possible dans l'exemple, en fait, le racisme est une structure qui explique, dans les cas extrêmes historiques, une forme de violence et de génocide, d'extermination de l'autre, ce qu'on ne connaît pas dans les rapports entre les hommes et les femmes historiquement, et même on peut aller jusqu'à dire... La ségrégation, il y a de la violence, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de la violence à l'encontre des femmes, mais on ne connaît pas des sociétés où les hommes et les femmes sont séparés, par exemple, géographiquement. Il y a une forme de ségrégation, apartheid entre les hommes et les femmes, privées et publiques. Et on ne connaît pas des sociétés où les hommes tuent, ou les femmes tuent, de manière systémique, les hommes. C'est aussi aujourd'hui une réflexion, par exemple, qui est utilisée dans la littérature émergente sur les inégalités entre générations. Là aussi, en disant, voilà, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que si on veut dire entre les inégalités entre générations sont liées là aussi à des critères ascriptifs de type âge qui sont interprétés différemment selon les sociétés, selon les contextes historiques et sociaux. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas là aussi des sociétés où les jeunes tuaient massivement les vieux. Enfin, c'est pas un problème, c'est juste pour dire que les stéréotypes de ce type-là ne sont pas du même ordre que les stéréotypes raciaux, parce qu'en fait, les stéréotypes raciaux, visiblement en sciences cognitives, ils ont deux dimensions importantes, c'est qu'ils sont à la fois, ils dénient, enfin, c'est-à-dire qu'ils, sur les deux dimensions du cerveau humain, les dimensions affectives et rationnelles, si vous voulez, en fait, ils sont négatifs sur les deux dimensions. Alors que dans le sexisme, il y a quelque chose de valorisant de la femme, il y a une sorte de sympathie à l'envers de l'épanouissement de la femme dans son expérience de femme, ce qui n'est pas le cas dans les expériences où les groupes raciaux sont extrêmement stigmatisés, où en fait, ils sont à la fois pas sympathiques et pas compétents, si vous voulez, dans les deux dimensions. Et il semblerait que c'est un peu... Il semblerait, moi je dis ça parce que je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'ai lu de cette littérature, il semblerait que c'est caractéristique de cette catégorisation ethno-raciale. Et d'ailleurs, il y a des expériences qui montrent que ça implique même que le cerveau n'est pas capable de reconnaître l'être en question comme un être humain. Donc apparemment, le cerveau, il y a une zone du cerveau qui en fait est censée reconnaître... différencier l'être humain de la table, quoi. Donc, et cette zone, elle s'élimine quand on voit un être humain, et cette zone ne s'éliminerait pas quand on voit des groupes, des individus qui appartiennent à des... Je dis pas, c'est des expériences qui sont faites en laboratoire, hein, donc voilà, donc ça serait un peu une manière de dire C'est une manière de dire que ça explique un peu des expériences. Je pense que ce n'est pas inutile, même si on est toujours un peu sceptique en sciences sociales par rapport à ces questions-là. Ça explique un peu des expériences, par exemple, des expériences historiques comme l'esclavage. Quand on regarde l'esclavage, bah, on est frappé quand même par cette histoire extrêmement violente. On ne peut pas imaginer que tous ces gens-là étaient quand même horriblement méchants et qu'ils infligeaient toutes ces formes d'horreur sans aucune compassion, sans aucune... Et je pense que dire tout simplement que l'esclavage existe parce, enfin, a existé parce que les gens étaient racistes, voilà, je pense que ça tourne un peu en rond à un moment. Et je pense que les sciences cognitives apportent quelque chose en nous disant, voilà, il y a quand même des mécanismes de catégorisation du cerveau qui sont... Bien sûr, non, mais je ne nie pas du tout ça, mais il y a une forme d'exploitation économique évidente, mais derrière, la structure de cette exploitation était d'abord, en fait, la structure de la distinction raciale. Alors, bon, voilà, je pourrais parler encore beaucoup là-dessus, donc je vais pas trop m'aventurer, parce que, encore une fois, c'est des choses que je connais de manière assez approximative, mais qui me semblent dignes d'intérêt, quoi. Pour la question du rapport, une question un peu plus embarrassante. Alors, non, je n'ai pas été personnellement auditionnée dans ce rapport-là. Alors, j'ai vu que ça a été un petit peu présenté comme un rapport de sociologue gauchiste, etc. Alors, moi, j'ai parcouru le rapport. Je n'ai pas encore lu en entier. J'ai lu un peu la première partie, puis j'ai relu les recommandations. Je connaissais bien le rapport Thuo, qui était en fait le rapport précédent, qui était complètement enterré. Moi, je pense que... je lis ce rapport comme une forme de revanche, comment dire, une forme de réaction par rapport à des années, ces dernières années, quoi, où la politique d'immigration en France a été assez mal vécue par non seulement des sociologues, parce qu'ils présentent ce rapport comme étant la production des sociologues gauchistes, mais je pense surtout par des acteurs institutionnels qui ont été auditionnés. Quand on regarde ce rapport, ce sont les acteurs institutionnels qui ont été auditionnés. Et pourquoi ? Alors moi, si je veux analyser vite fait, cette, là aussi vraiment sans prétention, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est de l'ordre... Si on regarde ce qui s'est passé dans la politique d'immigration de la France des années 2000, partout en Europe et en France depuis les années 70, on ne parle que de fermeté migratoire, bien sûr, ça c'est une chose acquise. Tous les gouvernements de gauche ou de droite ne veulent pas recevoir des immigrés ou veulent en recevoir le moins possible. Ça, c'est un consensus dans tous les gouvernements, je pense, c'est clair. Par contre, ce qui s'est passé dans les années 2000 n'était pas... Il y a eu un arbitrage, il me semble, une forme de tension assez malsaine entre des politiques qu'on appellerait des politiques d'intégration, qui ont en fait consisté en des politiques clairement orientées uniquement vers les primo-arrivants, ceux qui viennent d'arriver sur le territoire français, donc, et qu'on a transféré toutes les compétences au ministère de l'Intérieur, enfin avant au ministère de l'Immigration, pendant un petit épisode, et puis ensuite au ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, un immigré qui arrive aujourd'hui en France est obligé de signer un contrat d'accueil et d'intégration avec l'État, est obligé de suivre des cours de langue, etc. Donc toutes ces mesures qu'on a appelées la politique d'intégration ont été mises en place avec les gouvernements successifs de la droite, depuis 2003 d'ailleurs, à l'époque où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, jusqu'à très récemment. En 2011, il y a eu même des mesures de ce type. Et en fait, parallèlement à cette centralisation d'une politique d'intégration qui vise les immigrés primo-arrivants, il y a eu une forme de destruction de quelques structures qui ont été plutôt destinées à, on va dire, très rapidement, à lutter contre les discriminations, notamment, donc, et qui s'orientaient plutôt vers des populations qui sont là depuis très longtemps, voire même des populations qui sont nées en France. Donc je parle par exemple notamment de la HALT qui a été donc supprimée, hein, enfin, donc transférée aux défenseurs de droits, tout ce qui est politique de la ville, tout ce qui est facile, vous connaissez peut-être le fonds d'action, donc... En fait, il y a eu quand même une forme de tension entre ces deux politiques, on va dire, et une mise en avant de l'intégration comme étant la politique que l'État mène, et une, bon, ça dépend des acteurs, certains vous diront, une destruction de certaines infrastructures publiques qui servaient autant qu'on puisse, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'outils pour toucher des populations. De cibler des populations issues de l'immigration, mais il y avait par exemple une sensibilisation de la politique de la ville, etc., par rapport à ces populations qui a beaucoup perdu en termes de budget. Et donc il me semble que c'est une forme de revanche, c'est-à-dire de dire on ne veut plus de l'intégration parce que ce qu'on veut, c'est des politiques de lutte contre les discriminations qui touchent à la fois les secondes générations, mais aussi les immigrés qui arrivent en France et qui finalement subissent des inégalités, pas forcément parce qu'ils sont immigrés, pas forcément parce qu'ils ont changé de pays, mais peut-être parce qu'ils font partie d'origine, enfin, ils appartiennent à des origines migratoires particulièrement stigmatisées, par exemple les origines africaines. Quand on regarde, bah, ça n'a rien à voir l'expérience d'un Britannique, il y en a quand même, qui arrive en France, et un Malien qui arrive en France. Donc voilà, donc je pense que moi je le lis un petit peu comme ça. Alors après, est-ce que c'est. Moi je pense que moi personnellement, je ne suis absolument pas optimiste que ce rapport puisse changer quelque chose de ce point de vue-là. Mais j'ai l'impression qu'il est, fonctionne un peu sur le mode. Mais je te disais tout de même, et je crois qu'au départ, la question, enfin, quand ça a été présenté, c'était justement d'essayer de repenser l'universalisme républicain au prisme d'une société qui est multiculturelle aujourd'hui pour sortir de cette éternelle question de l'intégration parce que c'est à eux de se conformer à nous. Voilà, c'était un peu ça. Alors après, je pense que c'est le problème, c'est que c'était présenté comme le rapport qui devait changer de paradigme et fondamentalement ouvrir pour une autre façon de repenser la cohabitation, non pas entre communautés, parce que c'est un mot qui peut exister dans un régime républicanisme, mais quand même pour repenser la différence culturelle autrement que par, disons, cette égalité entre communautés, comme, voilà, on peut oublier ses origines, quand on devient français. Bon, c'est un peu ça. Et surtout le fait que, finalement, la commission n'a eu que 2 mois pour faire le rapport. Parce qu'ils sont revenus à la fois avant juillet, et, bon, voilà, ils ont tenu quelques semaines de plus, mais pas plus. En fait, si vous voulez, moi je me permettrais de revenir un peu sur ce que vous venez de dire et peut-être rebondir sur la question de l'égalance, sur la xénophobie, le racisme, tout ça. Bon, évidemment, moi je connais personne, en France en tout cas, même en Italie, qui se revendique raciste. Mais ça, ce qui fait que, peut-être contrairement aux États-Unis, nous avons une tradition, bon, depuis les essais sur l'égalité des races, et Gobineau, etc., une toute littérature qui n'est pas seulement scientifique, qui n'est pas scientifique du tout, qui, elle, est quasiment indicible. Sauf dans les groupes néo-nazis et ceux qui se revendiquent ouvertement racistes parce que c'est la base même de l'idéologie. En revanche, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent, aussi bien en France qu'en Italie et même ailleurs en Europe, utiliser la différence culturelle comme une première forme de, disons, de, assignation d'altérité. C'est-à-dire tout simplement, les autres, bah, oui, je les aime bien, mais chez eux. Mais ils ne peuvent pas venir ici parce que leur culture est tellement différente que, voilà. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. C'est ce qu'on appelle la xénophobie. C'est pas du racisme. D'ailleurs, c'est les premiers qui vous diront, mais c'est pas raciste. Moi, je pense qu'eux, ils sont comme nous, ils sont très bien. D'ailleurs, j'aime le couscous, mais vaut mieux qu'ils restent chez eux. Pourquoi? Parce que la culture est telle qu'ils n'élèvent pas les enfants de leur façon. Voilà, la région est tellement différente qu'on appartient à des civilisations différentes. Non, c'est la culture. Voilà. Et c'est un. J'ai lisé justement ces jours-ci un ouvrage de David Hollinger, l'historien américain que vous connaissez, et qui, dans un ouvrage, à la fin. Discute les conséquences négatives du relativisme culturel. Il ne remet pas en cause cet acquis intellectuel majeur du XXe siècle, mais quand même, il se dit, quand même, quand on va bien, il y a un usage instrumental du relativisme culturel qui mène justement à ça. Si les cultures sont toutes différentes, on ne peut pas évidemment les mesurer, mais quand même, eux, les autres, sont tellement différents que moi qu'on ne doit pas penser une communauté qui sera. Serait supraculturel parce qu'ils sont tellement différents. Voilà, cet usage donc assez négatif. Et donc il me semble que dans la situation qu'il y a dans l'autre, peut-être le terme xénophobie pourrait convenir le mieux. Et je voudrais vous poser une question à partir d'un sondage qui m'avait beaucoup marqué, Ipsos, paru dans Le Monde de janvier 2013. Voilà, donc je donne la réponse. 73% des gens estiment qu'on peut trouver de la main-d'œuvre en France sans recourir à l'immigration. 70% qu'il y a trop d'étrangers en France. 72% qu'il n'est pas normal que les cantines scolaires servent des plats différents selon les convictions religieuses des élèves. 62% qu'aujourd'hui on ne se sent plus chez eux comme avant. 57% que le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. 55%, etc. Bon. Alors, c'est tout de même, je veux dire, des larges majorités. Je suis sûr qu'ailleurs, dans d'autres pays européens, et d'ailleurs, on a eu des sondages qui étaient similaires dans d'autres pays européens, on aurait ça. Voilà, comment vous pensez qu'on puisse, bon, c'est comme vous êtes politiste aussi, comment vous pensez qu'on puisse, disons, au-delà de l'actualité politique, sans être journaliste, comment on peut interpréter des chiffres pareils et qui semblent assez, disons, neufs dans un pays comme la France? Alors, là, c'est une question difficile, mais je pense que on entend parler beaucoup aujourd'hui du racisme culturel en France, en disant, voilà, effectivement, la France, et ben dans d'autres pays, hein. Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous lisez l'école de Chicago, vous pouvez trouver des passages où il y a du racisme culturel très fort, mais à l'époque, c'était... Enfin, du racisme. Des choses qu'on peut interpréter aujourd'hui comme du racisme culturel, c'est-à-dire renvoyer à la culture des différences, donc renvoyer des différences à la culture. Et c'était une bonne intention à l'époque des sociologues de Chicago, parce que eux, leur objectif, c'était de lutter contre le racisme biologique. Donc la culture, ça a au moins cette caractéristique assez avantageuse de pouvoir changer. Hein, donc tout le paradigme de l'assimilation, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont culturellement différents, mais attention, ça va changer, ça, ils vont devenir des Américains après, comme les autres. Donc... À l'époque, donc, au contraire, ce paradigme de relativisme culturel fonctionnait comme un antiracisme. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est important quand même de le restituer comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, effectivement, dans plusieurs pays. Et notamment, on peut reparler, par exemple, notamment quand la culture est assez bizarrement définie et, comme vous le dites, assignée. C'est-à-dire, est-ce qu'on demande à ces gens-là vraiment de dire... Quelle est leur culture d'abord, de définir leur culture d'abord. Est-ce qu'ils sont, par exemple, est-ce que c'est qu'un musulman? Est-ce que c'est quelque chose d'appartenance? On ne sait pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup d'enquêtes là-dessus en France. On a quelques études ethnographiques qui nous disent quand même qu'il y a un sentiment assez fort d'appartenance à la communauté musulmane quand même. Donc, il y a quelque chose qui se produit de cet ordre-là, mais qui est finalement utilisé comme dans une forme de racisme culturel, c'est-à-dire naturaliser ces appartenances des individus en disant, naturaliser au sens que toutes leurs actions découleraient de ces appartenances culturelles donc, et feraient en sorte qu'ils seraient, par exemple, peu assimilables dans la France. Et je pense que c'est un discours qui est très important, mais je pense qu'à lui seul, encore une fois, il ne suffit pas. C'est-à-dire que je pense que... Alors, la xénophobie, est-ce que la xénophobie, c'est normalement la haine de l'étranger? Donc là aussi, bah, effectivement, on peut la présenter dans les questions qui sont posées en France... D'ailleurs, ces questions, il faut un peu s'en méfier, parce que ça dépend beaucoup de la formulation. On demande aux gens, est-ce que vous pensez... On ramène ça à l'immigré, donc voilà, il y a toujours... Et non pas à des groupes spécifiques. Et si on ramenait ça à des groupes spécifiques, on verrait que c'est des choses quand même sont différentes pour certains groupes. Donc il y a plein de quelque chose qui est de l'ordre de l'origine ethno-raciale et non pas de cette idée de lien à la migration qui est en jeu. Mais je pense que ça ne suffit pas dans le sens où... On peut dire ce qu'on veut sur la culture des autres... Hein, on peut penser que la culture des autres est moins bien et meilleure, etc. Mais si ça ne se traduit pas par quelque chose de précis en termes, là encore, de pouvoir, tout le monde s'en fout, quoi. Pour vous donner une idée un peu... Enfin, pour donner un exemple, je m'en excuse, c'est un peu bête, mais il y a beaucoup de stéréotypes sur les blondes, quoi. Donc, les blondes, on a beaucoup de stéréotypes sur les blondes qui sont en fait des stéréotypes culturels. C'est-à-dire, on pense que les blondes ont des modes de vie différents, aiment le shopping, je sais pas, moi, j'exagère un peu, mais tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que ça a des conséquences? Même une blonde, visiblement, s'en fout un peu. Donc, voilà, c'est un exemple un peu simpliste, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important de le dénoncer, c'est important d'effectivement de décortiquer ces discours culturalistes et de dire attention, ils sont pas si différents d'un racisme biologique, mais je ne pense pas qu'on puisse renvoyer tout ce qui est de l'ordre des inégalités à ce type de discours, parce qu'on peut imaginer aussi dans l'autre sens, de l'autre côté, le Front National parle du rejet de la France, par exemple, par les minorités, parle du fait que... Oui, donc voilà, donc de ce point de vue-là, on est un petit peu devant une impasse. Devant une impasse, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, mais non, tous les musulmans adorent la France? Je pense que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quand tant qu'on veut les mesurer cette adhésion à la nation, Zayat disait que de toute façon, on mesurera tout en forme de manquement, puisque d'emblée, on les a définis dans une position inférieure. Donc, tout ce qu'on mesure pour eux, ça va être moins. Hein. Donc, je pense que, mine de rien, je pense que c'est intéressant, mais c'est pas suffisant pour quand même expliquer la structure des inégalités dans nos sociétés actuelles. Ouais. Donc, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'étais surtout... redéfinition de la catégorie, parce que ce qu'on apprend, c'est que finalement, l'ethnique va avec le racial, c'est-à-dire oui. qu'on ne peut pas vraiment séparer entre ce qui était défini comme étant les groupes ethniques d'un côté et les groupes raciaux de l'autre, enfin, qui étaient aux États-Unis largement utilisés uniquement pour les Noirs. Enfin, voilà, donc ça, c'est à mon avis très utile, puisque dans la tradition de Max Weber, ce n'est pas la couleur de peau en elle-même, mais le rôle social et la signification sociale qu'on donne à la couleur de peau. Et cette signification sociale est évidemment liée à l'histoire de ces populations et tout ça. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je veux dire, comme tu sais, j'ai moi-même travaillé sur ces questions-là. Donc on est malgré tout sur la corde raide tout le temps. C'est-à-dire à la fois... On a envie, pour les enjeux de connaissance, de créer des catégorisations et de prendre en compte les différenciations de type ethno-racial pour pouvoir autrement appréhender la réalité sociale et les inégalités dans la société. Mais en même temps, on contribue à cette catégorisation de réalité quelque part. Et on est tout le temps, une fois qu'on établit la catégorie, on est... prise avec le risque de la réifier et du coup de souligner les spécificités et les discriminations possibles, etc. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et donc je pense notamment, je veux dire, quand on se rappelle des travaux de Michèle Tribala, quand elle a, enfin, suite à l'enquête MGS, il y avait quand même une comparaison des différents groupes. Et donc il y avait une comparaison qui avait aussi des effets très néfastes, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde était mis sur une espèce d'échelle entre les mieux assimilés, les moyennement assimilés et les pas assimilés. Donc c'était aussi une catégorisation ethnique. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu malsain quand même dans la bonne volonté de aussi pouvoir étudier les discriminations dont étaient victimes certaines populations. Donc c'est vrai que ça, même moi-même en travaillant sur ces sujets-là, je trouve que cette corde raide qu'on a à la fois scientifiquement tout en étant toujours impliqué politiquement n'est pas simple du tout. Une autre petite remarque, moi je veux dire, quand j'ai à parler de ces sujets-là, je dis qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc je trouve que tu étais là, pas très clair. Pour moi, il n'y a pas de statistiques ethniques parce que pour le moment, on se sert de la nationalité et du pays de naissance. Donc, on crée des catégories à partir de ces deux éléments-là. Il n'y a aucune question dans aucune enquête pour le moment qui demande aux gens de se classer en fonction d'un groupe ethnique ou ethno-racial auquel ils appartiendraient. Et je crois que c'est important de le souligner parce qu'il y a tout un flou dans les représentations des gens. Ils pensent qu'il y a... Enfin, je veux dire, il n'était jamais question, même avec Théo, de faire une statistique ethnique ou de faire des catégorisations, enfin, de faire des enquêtes ethniques. Mais ça a été pris comme ça dans un dossier. Il en a été quand même question, non ? Politiquement. Ça a été mis en avant par les opposants. Ils disaient le retour de la race. Et... Mais simplement mais... parce qu'il n'y avait pas une question. Ça n'est pas revendiqué par l'enquête, non ? Il n'y avait pas une question sur les appartenances subjectives. C'est la question que je vous ai montrée, sans référentiel. C'est-à-dire les gens, c'est autoréférentiel, ils peuvent se tromper, ils peuvent dire des choses qu'on n'aurait pas dit. Donc c'est vrai que, est-ce que ça fait une enquête ethnique ? Donc c'est vrai que j'aurais voulu un peu ton point de vue là-dessus, parce que je crois que politiquement, il y a des dérapages qui sont sans arrêt assez... Je vais commencer par cette question-là, la statistique ethnique. Alors... Oui, il n'y a pas de statistiques ethniques en France au sens de catégories ethniques autodéclarées par les individus. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une revendication. En tout cas, pour l'instant, non. Je pense que certains auteurs, certains aimeraient sur le principe « why not ?», mais pour l'instant, ils pensent que ce n'est pas encore le moment parce qu'on en est quand même assez loin. Par contre, on peut quand même dire qu'il y a une forme d'ethnicisation de la statistique. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça. C'est-à-dire que ce qu'on nous réplique parfois quand on demande, on dit dans des conférences internationales qu'on n'a pas beaucoup de données, qu'on n'arrive pas trop à travailler sur ces questions en France, on va dire qu'on nous réplique que non, il y a beaucoup de données d'ailleurs, on fait beaucoup de choses, mais que ces données-là ne sont pas ethniques, mais qu'elles renvoient à des critères objectifs tels que la nationalité et le pays de naissance. Le problème, c'est que ces critères objectifs de nationalité et de pays de naissance, quand on regarde les publications, finalement, on ne travaille jamais sur ces critères en tant que critère individuel. On ne va pas aller dans tous les détails des pays de naissance, parce que de toute façon, on sait bien que ce n'est pas le pays de naissance au sens où le lieu de naissance d'un individu qui compte. Finalement, pour des raisons statistiques, mais aussi parce que c'est le cadre analytique sous-jacent, c'est un cadre analytique de type ethno-racial, on regroupe des individus, par exemple, d'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il y a eu toute la controverse avec les travaux de Lagrange sur Sahel Golfe de Guinée. On regroupe, donc on crée quand même des catégories statistiques qui renvoient à quelque chose, peut-être de racial plutôt, parce qu'en fait, d'ailleurs, ça renvoie à des grandes parties du monde, quoi, donc presque à des choses de l'ordre racial. Donc, on peut dire que c'est de la statistique qui ne s'assume jamais comme telle. Moi, je pense que cette distinction entre objectif et subjectif est une distinction assez... qu'elle conduit à erreur, et parce qu'en fait, c'est une distinction qui suppose qu'on peut mesurer ça de manière objective, alors que tout ce que j'ai commencé par dire, c'est que race et ethnicité, ce n'est pas des caractéristiques objectives. D'ailleurs, Weber le dit lui-même, c'est une croyance qui est toujours en négociation, en transformation. Donc, de toute façon, la nationalité, le pays de naissance, c'est des caractéristiques, c'est des proxys, comme diraient les statisticiens, mais ce ne sont pas des caractéristiques objectives qu'ils définissent. Et d'ailleurs, on pourrait même répliquer que les chercheurs ou la statistique publique, quand elle dit on travaille sur ces questions-là en utilisant ces caractéristiques objectives, sont antidémocratiques, parce que d'une certaine mesure, elle assigne, il y a quelque chose de l'ordre du racial. Nous, on assigne les individus à ces origines-là en inférant leur origine par leur pays de naissance, mais ça se trouve que si on leur demandait de s'autodéclarer, peut-être qu'ils se déclareraient comme français. D'ailleurs, c'est intéressant, au Canada, on avait fait un référentiel dans les recensements, on a vu dans les années 90, on a laissé pour la première fois une réponse ouverte. Donc les individus pouvaient choisir autre chose que les groupes qu'on leur proposait. Et il y a pas mal de Canadiens qui remplissaient Canadien. C'était la catégorie qui n'était pas conçue dans le référentiel à l'origine. Et c'est intéressant parce que ça nous dit en fait quelque chose de l'ordre effectivement de ce que c'est que la différence entre demander aux gens directement ces mesures-là. On peut quand même critiquer ces mesures subjectives, mais je dis quand même que elles sont peut-être pas si mauvaises que ça et que les mesures objectives ne sont pas toujours si objectives que ça. Je vais rebondir parce que il y a quelque chose d'un peu duesque, je trouve, dans ce débat, parce que si on considère qu'on crée des catégories objectives des différences de race et que c'est mal, à ce moment-là, allons plus loin, il faut renoncer carrément à faire une sociologie de ce sujet. Ben oui, c'est ce que je dis. Renoncer à faire ce sujet. Mais on ne peut pas renoncer à ça, parce qu'on ne peut pas, dans une société où les chercheurs sont libres, on ne peut pas complètement éliminer un champ de la réflexion. C'est une mauvaise question, une mauvaise catégorie, un mauvais problème. À ce moment-là, on arrête. Que la seule enquête en France qui a utilisé un référentiel, c'est une petite enquête qui a été menée par Patrick Simon et... comment il s'appelle ? Clément... comme ça, qui n'a jamais été publié, c'est un rapport de travail de l'INED, c'est un document de travail de l'INED, qui est assez intéressante, si vous êtes curieux, vous invite à regarder. Ils ont eu un petit financement pour mener une petite enquête et demander à l'époque, il y avait encore un petit... C'était entre les deux, c'est entre Théo et MGIS, donc il y avait encore une espèce d'espoir qu'on peut influencer le débat politique là-dessus, et ils ont fait cette enquête en demandant aux gens de s'autoclasser dans des référentiels pour montrer que bon, ça marchait pas trop mal. Et en fait, ils ont fait plusieurs mesures. Ils ont effectivement essayé de croiser ce qu'ils obtenaient quand ils demandaient aux gens nationalité, pays d'origine, et quand on leur donnait des catégories autodéclarées. Ça donnait des choses pas inintéressantes en montrant qu'il y avait des zones d'intersection, certes, mais il y avait aussi des choses qui étaient différentes, quoi, qui se croisaient différemment entre les deux mesures. Et pour rebondir sur la première question, mais très rapidement, j'entends bien le malaise que vous éprouvez. Et puis, effectivement, moi, je n'ai pas non plus une position, même si dans certains débats, parfois, on est obligé de prendre une position. Et je pense que... moi, je pense quand même toujours que c'est important que nous, on soit dans notre rôle, même si on peut avoir des backgrounds politiques différents, mais qu'on soit dans notre rôle de défendre notre métier. Enfin, moi, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que... Alors, parfois, on peut nous répliquer. Il y a certains administrateurs de l'INSEE qui étaient très opposés aux statistiques ethniques, qui nous accusaient de vouloir ces statistiques pour pouvoir publier dans les revues américaines, puisqu'en fait, eux, ils connaissent que c'est... donc, on peut nous répliquer ça, mais je pense que... c'est ça. Mais au-delà de cette accusation qui me semble quand même très caricaturale, je pense que ce qu'on veut, c'est quand même avancer dans la connaissance sur ce que, sur, par exemple, est-ce que ces questions traversent la société française ? Est-ce qu'il y a des... Et de ce point de vue-là, ce que je voulais dire, c'est que les études les plus impressionnantes pour moi aux États-Unis, qui montrent en fait l'utilité de ces catégories finalement, même si elles peuvent être critiquées, c'est les études qui travaillent sur les catégories en tant qu'outcome, c'est-à-dire elles regardent pas forcément. C'est très important de regarder les écarts de chômage, très important de regarder les écarts dans la qualité du travail, le travail la nuit, des choses sur la santé. Enfin, je ne nie pas du tout ça et je pense qu'on en est encore loin. On a besoin de ce genre d'évidence en France. On ne sait pas, par exemple, à 5h du matin, qui sont les gens qui prennent le métro. Enfin, on a une idée, mais on a une idée qu'il y a quand même une dimension ethno-raciale, mais qu'on ne peut pas la mesurer. On ne sait pas, par exemple, quelle est l'origine ethno-raciale des éboueurs et des métiers les plus dévalorisés en France. Et je pense que ça serait bien que les statistiques nous montrent ça. Je pense que ça serait une objectivation très claire des inégalités. Mais par ailleurs, ce qui est le plus fort, je pense, dans ces études qui utilisent ces mesures, c'est quand elles regardent comment elles sont produites et comment elles changent. De ce point de vue-là, par exemple, pour vous donner une étude assez impressionnante aux États-Unis, qui montre qu'en suivant de manière longitudinale les individus, qu'une expérience carcérale, c'est Saperstein et d'autres collègues qui ont montré ça, que quand on passe en prison aux États-Unis, on a plus de chances d'en sortir en auto-déclarant une appartenance au groupe noir. C'est-à-dire que, pour une petite minorité d'individus, mais c'est intéressant, quand on a des statistiques représentatives, on voit qu'il y a des choses qui se passent en prison concernant l'identification au groupe afro-américain. Et qu'il y a plein d'analyses sur l'intersection des stéréotypes, hein, comment le stéréotype du mâle afro-américain, délinquant, etc., est quelque chose qui se croisent enfin dans cette construction des catégories, c'est pas, et de ce point de vue-là, c'est super intéressant parce que si on n'avait pas ces mesures-là, on pouvait pas suivre vraiment comment elles se transformaient et analyser ça sur l'effet effectivement de la racialisation de l'expérience carcérale aux États-Unis, qu'on sait aujourd'hui que c'est un système qui sert massivement à exclure de la société les hommes afro-américains, donc. Je suis un peu gênée par le fait que vous affirmiez que votre démarche est constructiviste. À la mesure où il me semble que, par nature, la sociologie est constructiviste, mais si vous la déclarez comme telle, c'est que vous y ajoutez quelque chose, et vous l'avez clairement dit, vous rattachez au pragmatisme, enfin, le constructivisme, en tous les cas, tel que, je dirais, radicalisé, se rattache au pragmatisme, etc., à des hypothèses épistémologiques fortes, qui me semble pas forcément nécessaire pour développer un travail tel que le vôtre, et je ne vois pas pourquoi il faudrait justement les invoquer, ou alors il faudrait réellement savoir ce qu'elles impliquent, et clairement. Alors vous citez par exemple Durkheim, oui, de les former l'élémentaire de la parenté, parce que justement la sociologie est constructiviste par nature, un constructivisme faible, mais Durkheim... renierait le constructivisme radical comme il a critiqué le pragmatisme, etc. Donc voilà, je trouve que là il y a peut-être quelque chose d'implicite qui mériterait d'être développé clairement, parce que ça a des incidences fortes et qu'on se doit de maîtriser. Oui, je prends votre critique avec toute la bonne foi. Moi, je répète que j'ai pas une prétention. On m'a posé cette question sur ce que pouvait apporter, et donc j'ai répondu par rapport à ce que je connais des positions des uns et des autres. Mais de toute façon, dans l'ouvrage, je ne dis rien là-dessus. Je ne prends pas une position dans la théorie sociologique. Je ne présente pas du tout mon ouvrage comme une contribution théorique. D'ailleurs, je dis dès le début que mon objectif, c'est de montrer comment l'approche empirique permet de comparer, enfin d'ailleurs on peut pas, je pense que d'ailleurs on peut la relier quand même, l'approche empirique à la philosophie pragmatique, c'est une notion d'expérience, etc. Mais je vais pas rentrer dans le détail, sans doute que je ne maîtrise pas assez ces questions. Je dis juste qu'il y a un lien et qu'il y a beaucoup, enfin, je renvoie vers les travaux et les auteurs notamment Winant, que j'ai cité, et d'autres. Durkheim, c'est pas moi qui le cite, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je dis que je l'ai vu cité dans ces travaux-là. Je dis que ce qui me frappe, c'est que les Français vont avoir tendance à dire qu'on n'a pas cette tradition dans la sociologie. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été mobilisée, parce que je ne dis pas que Durkheim défendrait ces positions-là, mais je dis que je l'ai vu cité, je l'ai vu retravailler, réinterpréter dans ces travaux. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Je pense que si on veut vraiment creuser ça, il faut adopter une autre perspective. Ce n'est pas du tout mon ambition dans l'ouvrage ni dans cette présentation. Mon ambition, c'est juste de clarifier un petit peu ce champ d'études en sociologie, de la rattacher à la dimension de l'analyse de la stratification sociale. Je pense que ce n'est pas assez le cas en France. Et de faire le bilan des approches empiriques. Voilà. En fait, je me demandais, pour rebondir sur la question des statistiques ethniques, est-ce qu'il n'y a pas finalement dans les craintes qu'il y a vis-à-vis des statistiques ethniques, il y a des obstacles, est-ce que ce n'est pas la question finalement des discriminations positives qui pourraient être implémentées à partir de ces statistiques ethniques? Est-ce que ce n'est pas un des obstacles? Est-ce que vous en pensez? Et est-ce que quand on regarde à l'étranger, les pays qui implantent des statistiques ethniques, est-ce qu'à chaque fois c'est lié à la question? Oui. J'en ai une deuxième un peu rapide. C'est simplement sur la question. Vous expliquiez qu'il y avait une fausse opposition entre diversité et question de classe sociale. Finalement, qu'il y avait dans certains travaux, comme ceux de Beau et ceux de Walter, une opposition qui était dressée, mais une opposition qui était factice entre ces deux questions. Mais est-ce que, d'une certaine façon, c'est pas vrai que la question de la diversité est instrumentalisée par les pour se dispenser de traiter la question sociale? Oui. Je vais répondre rapidement pour les statistiques ethniques. La réponse est oui dans les sociétés occidentales, démocratiques, qui sont par exemple, de manière historique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. Et par exemple, l'exemple le plus intéressant, c'est le Royaume-Uni, parce que c'est nouveau. Les catégories sont, dans le recensement, les catégories sont nouvelles, elles datent juste des années 90. Et ce qui est très intéressant dans le Royaume-Uni, il me semble, quand on suit comment ça a été construit, justement, qu'ils ont, comme ils n'ont pas l'héritage de ces catégories, comme ils les ont construites, ils ont un petit peu bénéficié de toute la littérature sur ça. Ils ont essayé d'incorporer, en quelque sorte, tous les apports de la réflexion sociologique sur ce que c'est que les catégories. Ben voilà, c'est super intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y a plein de travaux méthodologiques très précis. Est-ce que ça sert, comment poser la question? Est-ce qu'il faut laisser aux répondants, par exemple, de cocher plusieurs cases? Est-ce qu'il faut laisser une question ouverte? Il y a plein d'avancées, je dirais, méthodologiques pour bien mesurer ça. Et je pense, de ce point de vue, voilà, la Grande-Bretagne fait un travail vraiment formidable. Il y a plein d'articles très intéressants. Mais d'emblée, effectivement, c'est conçu dans un cadre politique qui a des instruments d'égalisation. Alors qu'on parlait d'affirmative action, en tout cas de réparation des inégalités, dans une logique de réparation, qui est bien sûr qui n'est pas le cas en France. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut lire ça aussi comme je dis un petit peu. J'ai pas vraiment présenté ça ici, mais dans l'ouvrage je dis que c'est un enjeu de reconnaissance. Un enjeu de reconnaissance, non seulement, c'est pas unidirectionnel, c'est pas seulement à l'État de reconnaître, mais c'est aussi une lutte des groupes eux-mêmes pour être reconnus et pour bénéficier. Donc effectivement, il y a un enjeu de cet ordre-là. Et de ce point de vue-là, on serait encore plus enclin à lire le modèle républicain comme quelque chose de type ethno-racial, parce qu'il est réfractaire à ce type de choses, parce qu'il veut, comme s'il voulait faire taire, en fait, ce type de revendication. Ce qui est très fort, c'est très efficace, parce qu'en fait, ces types de revendications sont extrêmement rares. Je veux dire, même dans les partis antiracistes traditionnels et historiques en France, on ne revendique pas ça. Au contraire, on combat ça. SOS Racisme a combattu Théo et a été extrêmement virulent contre Théo. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Pour la diversité, bon, là, il faudrait vraiment en parler beaucoup plus longtemps. Je ne veux pas caricaturer Beau, je pense qu'il a fait des choses qui, d'ailleurs, mettaient en évidence des situations vraiment particulièrement désavantagées pour les populations issues de l'immigration. Mais à un moment, il a écrit ce texte et je pense que pendant longtemps, il y avait quand même dans la sociologie française une espèce de bonne intention de dire, puisque tous les gens, enfin, puisque la société, les médias diabolisent, on va dire, ces populations, stigmatisent ces populations, il faut quand même rappeler que ces populations sont désavantagées, pas seulement parce qu'ils sont immigrés ou musulmans, mais parce qu'aussi ils sont issus de la classe ouvrière, ce qui est tout à fait vrai structurellement. Je veux dire, voilà, les travailleurs immigrés nord-africains, par exemple, sont massivement ouvriers. C'est pas le cas vraiment pour Afrique, l'Afrique subsaharienne. C'est pas toujours le cas aussi massivement pour l'Afrique subsaharienne. C'est pas non plus complètement le cas pour l'Asie, etc. Mais je pense que c'est intéressant à analyser. Mais je pense que la notion de diversité noie un petit peu le poisson. Moi, je pense que dans l'ouvrage que j'ai cité, il parle de diversité. Moi, je n'utilise pas cette notion. Hein. Je pense, vous dites, bah, ça a été un peu utilisé pour camoufler, je ne sais pas si on peut dire ça, ou mettre en arrière-plan. Toutes les entreprises, maintenant, beaucoup d'entreprises ont des politiques de la diversité. Oui, mais alors quand vous regardez ces politiques de la diversité, elles ne sont jamais des politiques vraiment orientées vers les minorités ethno-raciales, pour une raison très simple, c'est que l'entreprise n'a pas le droit dire combien elle a d'enfants d'immigrés dans son... Les politiques de diversité aujourd'hui en France, ça veut dire concrètement combien de femmes il y a d'entreprise, combien de femmes cadres il y a d'entreprise, et il est handicapé. C'est ça qu'on arrive à mesurer, c'est ça qu'on a le droit dans une entreprise de mettre Il y a parfois des politiques, des zones. Oui, territoriale, et le label diversité a permis de rationaliser les processus de ressources humaines, mais il n'y a rien de tangible, d'ailleurs. Oui, par exemple, les c'est premières... Pas, voilà, c'est pas possible, un fourre-tout, c'est un fourre-tout, mais c'est pas vraiment ces questions-là, en fait, qui sont centrales, en tout cas. Non, merci beaucoup, Bernard. Merci. C'était très intéressant. Excusez-moi. En fait, j'aurais voulu vous poser une question.